Journée supramentale de Jean-Luc du 27 et 30 décembre 2019. Donc, par rapport à Jean-Luc, vous allez retrouver ses coordonnées en bas de l'enregistrement. Donc, que ce soit sa page Facebook, aussi le lien là, d'une page YouTube où de ses enregistrements de lui sont hébergés, et également les coordonnées d'un blog où se trouvent des articles de Jean-Luc. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, dans les prochaines minutes, de vous présenter des extraits audio d'entrevues qui ont eu cours le 27 et 30 décembre 2019 avec Jean-Luc, que j'ai interviewé publiquement pour son passage au Québec. Donc, il est venu dans la ville de Québec et ça a été des journées de conférences. Des journées qui ont été extrêmement intéressantes, là, donc le 27 et 30 décembre dernier. Pour chacune d'entre elles, là, il a parlé pendant au moins 5 h 30 de temps. Donc, il y avait beaucoup de matériel là, qui a été présenté et les gens ont bien participé aussi. Donc, c'est sûr que ce que je vous présente dans les prochaines minutes, ça va être un montage où j'ai décidé de sélectionner certains extraits par rapport à ces activités. Parce que je n'ai pas nécessairement la vibration de mettre tout le matériel que j'ai recueilli au complet, parce qu'après tout, certains des propos tenus ne s'adressent pas aux gens en général là, sur l'Internet, mais s'adressent plutôt à des gens qui ont un certain taux vibratoire et qui sont réellement marqués pour y être exposés. Aussi, ben c'est sûr que je ne donne pas accès gratuitement à tout le monde au matériel, car sinon les gens pourraient être moins motivés, bien entendu, à se déplacer à une rencontre, éventuellement, s'il y a d'autres activités là, avec Jean-Luc, de journée conférence comme eu cours. Donc, c'est sûr que si on donne tout gratuit à tout le monde, bien, il est possible qu'il y ait des gens qui soit moins motivé là, par la suite à s'y déplacer pour ce type d'événement dans l'avenir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le cadre d'activités, journées de conférences comme ça, s'adressant à un public restreint, ça donne la possibilité de parler plus librement, en tout cas en ce qui me concerne, que je peux le faire là, sur Internet. Donc, les gens sur Internet sont pas nécessairement tous concernés par la conscience supramentale. Ce qui fait que je réserve certains des propos pour les gens en personne. Et puis, quand que je fais des enregistrements diffusés au public, ben, j'adapte le contenu pour ces derniers. C'est sûr aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écoute d'un enregistrement, d'extrait, par exemple, d'activité, ne remplacera jamais l'expérience que représente la participation à une activité et l'immersion dans une vibration dans le cadre d'une journée intensive et l'activation vibratoire qu'elle peut donner accès. Donc, c'est sûr que si je pense entre autres à l'activité qui s'est tenue le 27 décembre dernier, donc elle a débuté en après-midi vers, dans le fond, il était 3 h et quelques, et puis par la suite, on a parlé ensemble jusqu'à. C'est sûr qu'il y a eu des pauses, puis il y a eu le moment du repas, mais on a parlé quand même jusqu'à 23 h 30, donc 11 h 30 du soir. Après une journée intensive comme ça, là, j'étais plein d'énergie. Je me suis mis à écrire en mode canalisation au moins 8 pages là, sur papier, ça n'arrêtait pas l'information de descendre dans ma psyché. Un point tel que j'ai pas dormi avant 4 h du matin. Donc, j'ai bénéficié d'une énergie qui a été générée là, dans le cadre de l'activité qui m'a stimulé. Donc, qui m'a permis de connaître une activation énergétique qui était présente en moi, en relation avec l'activité. Donc, c'est sûr que d'être exposé à quelqu'un qui canalise devant nous peut nous stimuler en ce sens. Et on peut se servir de cette mise en vibration par la suite pour répondre à des questions personnelles qu'on se pose après ou pendant la conférence. Donc, autrement dit, après la conférence, je canalise des choses qui n'ont pas été abordées dans cette dernière conférence, mais je parlerai plutôt de journée d'activité, hein, parce qu'après tout, c'était un après-midi et une soirée. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Et c'est sûr qu'il faut être sur place pour l'expérimenter, ce type de mise en vibration, quand on est proche du conférencier qui canalise, puis on sent des descentes d'énergie qui peuvent s'opérer à l'intérieur de nous en parallèle. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et si j'ai expérimenté ça, bien, il est possible aussi que d'autres personnes aient aussi expérimenté ce type de choses. Sinon, c'est sûr qu'en étant présent en personne, ce qui est intéressant, c'est de percevoir des mouvements vibratoires dans la salle et de l'épuration psychique aussi qui peut s'y produire dans le sens qu'au début, le 27 décembre, bon, il y avait des gens là, qui étaient présents de différents horizons. Hein. Tu sais, il y avait des anciens séminaristes de Bernard de Montréal qui étudiaient depuis plus de 30 ans le supramental, puis aussi des plus jeunes qui commençaient à s'y intéresser. Donc, c'est sûr qu'au début, ce qu'a fait Jean-Luc, c'est une mise à niveau de notions se rapportant au supramental pour les gens. Donc, que ce soit la notion du double, ajusteur de pensée, l'ego, la programmation, etc., pour que s'assurer que toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle puissent suivre. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, bon, il y a une mise à niveau. Puis là, je sentais le décalage des vibrations des gens. Et puis, c'est sûr que j'ai changé, que j'ai senti que la vibration s'est rehaussée, là, surtout en deuxième partie après le souper. Donc, il y a des mouvements énergétiques qu'on peut capter en personne, alors que sur Internet, on peut pas nécessairement percevoir ça. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de l'activité en tant que telle, il y avait le 27 décembre environ une trentaine de personnes. Le 30 décembre, c'était un plus petit groupe. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes pour cette autre rencontre. Donc, c'est sûr que le fait que dans le cadre de ces activités, que la salle présentait une table ronde était intéressante parce que ça donnait la place de voir toutes les personnes du public simultanément. Donc, c'est sûr qu'on a eu un beau public là, dans le cadre de l'activité. J'ai trouvé le public était respectueux et posait des questions pertinentes en général pour les deux rencontres. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de questions du public. Et puis, dans le cadre de ces activités-là, c'est sûr que j'ai eu à céder des tours de parole des gens parce que des fois, il y a plusieurs personnes qui voulaient poser des questions en même temps. Donc, de modérer les discussions. Pour les prises de parole, donner la chance aussi à différentes personnes de parler là, naturellement par ordre de priorité. Sinon, ben, je suis intervenu à quelques reprises là, pour amener davantage de clarification, favoriser l'approfondissement, puis aussi pour relancer la discussion sur différents sujets. Donc, sans plus tarder, voici des extraits par rapport à ces enregistrements en fait que j'ai effectués pour le 27 et 30 décembre 2019. Bonne écoute. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux gens qui étaient là la dernière fois, je vais faire simplement un petit récapitulatif. C'est que je vous avais dit que les doubles avaient scanné les gens qui étaient là. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. La façon dont ils l'ont fait, je leur ai demandé exactement la façon dont ils l'ont fait. Et ils m'ont expliqué qu'ils avaient, en quelque sorte, pris votre esprit, l'avait étiré, s'était mis devant, s'était dédoublé, et de part et d'autre de votre esprit, il s'était mis à vibrer. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous avez eu un petit effet de malaise, un petit effet d'étourdissement, de vertige. Donc, pour ne pas vous étonner, vous ne pouvez pas aller chez le médecin, c'était à cause de ça. Parce que la façon dont ils ont de vous tester, c'est par résonance avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils envoient une vibration, ils la récupèrent de l'autre côté, ce qu'on ne peut pas faire, nous. C'est du latin pour moi, en ce qui me concerne. Et la vibration qu'ils récupèrent de l'autre côté leur permet d'analyser ce qu'ils sont par rapport à vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre contact. Et ça, c'est le contact identique. Ils ont envoyé une sorte de reconnaissance d'eux-mêmes. Hein? Et la différence qu'il y a entre les deux, au travers de votre esprit, leur a permis de savoir ce qu'il y avait à faire. Et donc, vous avez dû vivre une accélération pendant les 3 ans où on n'était pas là, qui était à la mesure de ce qu'il y avait chez vous à améliorer. Donc maintenant, vous êtes un peu plus amélioré. Ouais, simplement parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ils avaient été bougés par la dernière conférence, donc on va y aller tout doucement, tranquillement, Et il y avait eu une amélioration ou un changement, une modification. Donc, vous aurez aussi la modification. Ben, ce que je voulais vous dire, essentiellement aussi, je vais faire un bref rappel de ce que sont les choses, parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois, et d'autres personnes qui ont confondu un petit peu les choses. Par exemple, l'esprit, c'est celui qui va vous faire voyager, qui va être immortel, ça c'est simple à comprendre. L'âme, c'est le véhicule qui va vous permettre d'aller au niveau de l'astral, dans le monde des morts. Qu'est-ce qui manque encore ? L'ajusteur de pensée, c'est celui qui va vous envoyer des pensées et qui est plutôt dans un système d'attention à vous laisser dans une forme de programmation dont on va parler tout à l'heure, parce que ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement le décodage et la programmation, ce qui va vous servir dans votre vie. Je suis là pour appliquer des choses simples qu'on pourra appliquer tous les jours avec notre vie difficile. Peut-être clarifier aussi l'ego. L'ego, c'est celui qui est chargé de prendre toute la souffrance avant de la faire passer à l'âme. L'âme distribue des corps, par exemple, le corps mental, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps astral. Tous ces corps vous permettent d'aller dans différents plans, et l'esprit, lui, va dans chacun des corps. Au moment de la mort, ces corps disparaissent. Et quand ces corps disparaissent, ils vont servir un petit peu à enregistrer un petit peu ce qu'ils sont à la base, et puis ensuite, ils vont être détruits. Donc tout ce que vous avez accumulé, ainsi que les mémoires dans vos âmes, vont être détruits. Il ne faut pas trop s'attacher à ces mémoires, c'est pour ça. Voilà. Le double éthérique. Le double, donc, c'est quelque chose qui a peu de connexion avec nous, si ce n'est dans sa direction de programme personnel, et qui, à la base, veut fusionner avec nous. Donc il va d'abord prendre connexion avec l'esprit, et c'est l'esprit qui permet la connexion. Ensuite, l'esprit va fusionner avec l'âme, et le double va fusionner avec l'âme. Et donc l'ego ? Et l'ego, c'est celui qui supporte dans la matière. L'ensemble de tout ça. C'est-à-dire nous. Voilà, je te laisse pour voir. Oui, ben, je pense que les clarifications que tu as apportées par rapport aux principaux concepts, que les gens puissent soient en mesure de suivre l'ensemble de l'activité aujourd'hui, ont été faits. Donc c'est sûr que si en cours de route, il y a des gens qui ont des questions, je n'y vais pas pour les faire, moi pour les poser en fait, là. À la fois. Puis moi, je vais être là plus pour encadrer les discussions, jouer un rôle de modérateur. C'est sûr qu'idéalement, les questions, il faut que ce soit d'intérêt général. C'est-à-dire que tout le monde puisse être concerné. Des questions personnelles, du racontage, c'est pas l'endroit pour ça. Donc, puis sinon, ben, moi, je vais accompagner Jean-Luc pour poser des questions dans une optique d'approfondissement, d'apporter des éclaircissements aussi à certains des propos. Une autre petite digression, c'est sur les prises de conscience. Tout le monde fait des prises de conscience. Ça fait un petit moment qu'on a été en contact normalement avec notre double. C'est lui qui nous développe la conscience. Donc, on fait des prises de conscience. Les prises de conscience, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne, comme je le disais, des nouveaux niveaux d'accréditation, des nouveaux plans de secret. C'est-à-dire que vous savez que le secret, c'est pas tellement qu'on vous cache des choses, c'est que vous n'avez pas accès à comprendre ces choses-là. C'est tout. Par exemple, quand vous avez un petit enfant, c'est pas que vous lui cachiez votre compte en banque, c'est qu'il n'a pas accès à votre compte en banque parce qu'il n'en ferait rien. C'est exactement pareil. Donc, pour vos prises de conscience, vous permettre d'avoir un accès à des niveaux de secret. Et donc, en fonction de ça, vous pouvez poser des questions dans ce plan de secret et vous allez découvrir les choses au fur et à mesure. Et ça, c'est pour chacun d'entre vous. Ensuite, ce que ça vous donne aussi, cette prise de conscience, c'est des accès à des plans de volonté. Alors, ces plans de volonté, ça vous permet d'avoir la capacité de tirer vers le bas de l'information. Le plan éthérique, ils ont une notion qui est hors du temps, pour une raison bien simple, c'est que ils n'ont pas de bord, donc ils sont infinis. Et l'infinité amène l'instantanéité de la vision des choses, du mouvement et de la création. Donc il n'y a pas besoin de temps. C'est total. Il n'y a pas de déplacement, si vous voulez. Que ce soit un déplacement de conscience, un déplacement de mouvement, un déplacement d'énergie, c'est instantané. Ben c'est ça, ils n'ont pas les ceux qui sont sur le plan éthérique, les entités, ils n'ont pas les paramètres qu'on a sur le plan physique. Oui, ce type de... on conçoit une entité par la vibration, essentiellement. Comme je racontais à des amis, une fois j'étais dans le lit, il y a une sorte d'individu qui est arrivé dans le lit, qui n'était pas de notre planète, hein, je le spécifie, et qui a simplement marqué de son passage avec une sorte d'idéogramme particulier au travers duquel il se déplaçait, c'est-à-dire qu'il projetait mentalement l'idéogramme ailleurs, dans la mesure où c'était aligné, il pouvait se déplacer un peu comme les tu m'avais dit, comme les portes de oui. Je sais pas quoi. Enfin, dans le fond, c'est parce qu'il y a une télésérie qui s'appelle Stargate, la porte des étoiles, où les gens vont se déplacer à partir de portails. Ils vont passer d'une porte à l'autre pour se déplacer. Ouais. Eh bien, ils se déplaçaient comme ça. C'était sa vie. Donc, j'ai pu le rencontrer à cause de son état vibratoire, de sa vibration, pas tellement de sa forme. Sa forme était là, mais sa forme était là parce qu'elle donnait les rebords de sa vibration. Elle donnait, par sa vibration, sa présence. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez le rencontrer au travers de sa vibration. Après, vous allez y mettre une présence en fonction du miroir que vous avez sur la personne. C'est-à-dire un effet de vous-même ou un effet de projection de ce que vous connaissez. Oui, quand on fait du décodage, pour prendre le sujet de tantôt aussi, c'est ça qu'on peut décoder la personne. Oui. Ouais. On décode la personne et on ne la connaît que quand on est au même taux vibratoire. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui n'est pas encore à votre taux vibratoire. Quand vous parlez de certaines choses, si elle n'est pas... au même niveau vibratoire que vous, vous n'arriverez pas à expliquer les choses. D'ailleurs, vous êtes déjà confronté à des individus où vous essayez de lui parler, il ne comprend pas. Ce n'est pas parce que vous les expliquez mal ou parce que vous comprenez mal, mais parce qu'il n'est pas au même niveau que vous. Et vous avez beau, même que ce soit dans des états de dispute où vous avez beau expliquer, l'autre ne comprend pas, l'autre n'absorbe pas. C'est une différence, une variation vibratoire. C'est uniquement ça. Exactement. La personne n'a pas le taux vibratoire pour décoder l'information. C'est ça. Ouais. Donc, il faut que la personne, ou vous-même, vous mettiez au niveau vibratoire. Soit la personne s'ajuste à l'autre. Il faut qu'il y en ait un qui s'ajuste à l'autre. Exactement. Pour pouvoir comprendre. Actuellement, c'est celui qui a la vibration plus haute qui va s'ajuster à celle qui est plus basse. Oui, parce que l'autre qui est plus basse n'arrive pas à être à la hauteur de l'autre. Donc, c'est à celui qui est toujours au-dessus de s'adapter à celui qui est au-dessous. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que les prises de conscience vont vous permettre d'être actif dans ce monde. Vous aurez la possibilité d'aller chercher l'information qu'il vous faut, les réponses qu'il vous faut, et vous pourrez les chercher en fonction, évidemment, de votre niveau de volonté et de votre capacité à tirer l'information. Disons qu'ils n'aiment pas trop qu'on dévoile un petit peu tout ça. En même temps, c'est nécessaire de dévoiler des choses parce qu'après tout, si l'être humain n'est pas capable, justement, comme vous le disiez, de dévoiler l'information et de l'arracher, ouais. Si on attend après eux, on risque d'attendre longtemps. C'est ça. Mais éventuellement, l'individu qui se conscientise n'est-il pas appelé d'avoir accès à tout le savoir, pas juste une partie? Oui, mais par exemple, ce savoir, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est essentiellement le programme. Le programme qui, lui, a été mis en place par notre âme. C'est notre âme qui a mis le programme en place pour guérir ses failles. Elle sait exactement que ce programme doit être consommé pour guérir la faille psychiatrique qui est chez chacun d'entre nous et qui doit être guérie. Quand je dis la faille, il y en a peut-être plusieurs, mais au moins une, et qui doit être guérie à la fin de ce programme. Dans le sens que la programmation sert à faire des ajustements vibratoires au sein de l'ego qui est concerné. Au sein de l'âme, essentiellement. OK. Mais l'ego ne faisant que manifester l'intérieur de l'âme. Oui, monsieur. Mais dans le processus de décodage, il y a aussi un processus de réflexion qui s'enclenche pour comprendre le cas. Mm-hmm. Puis la pensée venant d'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas une manipulation, les pensées, dont la façon dont tu décodes? T'sais, si tu as une façon de penser particulière à toi, tu vas avoir un biais de lecture en fonction de ton attitude de pensée. Mais le problème, c'est que comme la pensée vient d'ailleurs, c'est généralement l'ajusteur de pensée qui perçoit la première partie du décodage. Donc, c'est lui qui va envoyer de façon à nous comporter d'une certaine façon sur le programme. C'est lui qui est l'assureur, au travers des pensées, à donner une forme de comportement et une forme d'état et de besoin sur le programme. Qu'est-ce qui régule tout ça, cette manipulation-là, là, au niveau de l'individu? Ben, disons que l'ajusteur de pensée est là pour nous faire suivre le programme, mais essentiellement. Qui module ça au niveau du vécu? L'ego, il est où là-dedans, là, dans ça? Là? Ah, l'ego, il est autour, il subit. Il fallait que subir. Il fait rien que subir la programmation. Mais quand vous essayez de vous... Alors, ce que l'on peut faire dans une programmation, c'est diminuer la quantité de peine, la quantité de souffrance de votre programmation. Mais quand c'est qu'il transmet l'ego? Quand est-ce qu'il... S'il subit, à un moment donné, il transmet. Mais il transmet, est-ce qu'il vient en contrôle ou bien s'il est toujours téléguidé? L'ego, il est toujours tel qu'il est. C'est l'esprit qui lui permet de voir un petit peu les modifications qu'il doit apporter en fonction de l'âme. Il faut bien se rendre compte que notre âme, elle a tous ses corps périphériques dans lesquels l'esprit se promène, et qu'au début, l'âme a verrouillé l'esprit, c'est-à-dire lui a donné une certaine possibilité de s'exprimer au travers du mental, et de ne pas être trop intelligent, parce que un esprit qui sort de l'âme est complètement intelligent, est complètement connaissant, est complètement libre du plan astral, qui est lié à l'âme. Par exemple, mais essentiellement, quand il se retrouve à l'intérieur, il ne va pas pouvoir faire certaines fonctions mathématiques, il ne va pas pouvoir faire certaines capacités de choses qu'il aurait pu faire en dehors du programme. C'est simplement des sortes de verrouillages. On est sans arrêt verrouillé. Parce que qu'est-ce que c'est que nous a donné le contact? C'est la capacité à notre esprit de sortir et de visiter la majorité de ces choses-là. Quant à ce qu'on pourrait appeler la transmutation, c'est une modification de l'âme. L'ego étant autour de ça. Une question. Jean-Luc, si on avait accès au décodage de la première porte, je vais dire, là, mm-hmm. ça éviterait à l'être d'être autant astralisé. Il aurait l'information et il pourrait venir travailler sur sa programmation. Alors, ouais. Pourquoi on... Parce que, dans le fond, c'est comme si on vire en rond. On vire en programmation. Alors, c'est ça. Si on avait accès au décodage, ouais. Ben, ça permettrait d'être moins astralisé. On a accès au décodage, c'est qu'on ne le regarde pas, c'est tout. On a accès, comme les autres entités, comme tout le monde, au décodage. à notre premier décodage. Mais dans le fond, c'est seulement de prêter attention au décodage pour justement être moins aux prises avec toutes sortes de situations. Disons que ça permet d'être moins surpris et d'avoir moins de souffrance. Mais l'événement va rester le même. Ça permet de savoir si vous avez votre conjoint qui va avoir quelque chose, ou que ce soit vous qui allez avoir un ennui, vous allez pouvoir le savoir. On peut être moins choqué. Et vous serez moins choqué. Alors on se dit, est-ce que le fait de savoir peut-il annuler le programme? Pas du tout. Parce que le fait de savoir, si vous savez trop de choses, on va vous annuler votre mémoire. Et vous allez quand même subir le programme. Si vous savez que vous allez avoir un accident parce que vous avez vu que tel décodage va vous faire avoir un accident, vous allez être hyper prudent toute la journée, mais vous n'avez pas de notion de temps au moment où ça va se produire. Donc, à un moment donné, vous allez oublier. Et vous allez quand même subir le programme. Et vous saurez rétrospectivement que vous n'étiez pas trompé. Ça vaut ce que ça vaut. C'est simplement pour vous aider dans la vie de tous les jours à gérer votre programme. Oui, ben c'est intéressant parce qu'en réalité, si la personne est consciente qu'il y a une programmation, ben c'est arrêter de souffrir ou de se culpabiliser parce qu'on vit des événements, arrêter de les motiver. C'est ça. Ça permet d'éviter de prendre personnel. De prendre des chocs sans arrêt. D'autres questions? Sinon, par rapport à la question de la programmation, c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que l'être humain peut faire pour en venir à être libre éventuellement de la programmation. Bien, le programme, comme on disait, se libérer du programme, c'est se libérer de son âme. Parce qu'en fait, l'âme est en relation constante avec le programme par sa polarité. Si vous diminuez votre polarité journellement, en évitant de travailler avec votre corps astral sur certaines choses, vous allez avoir votre programmation qui va être moins souffrante, moins attachée à vous. Ça va beaucoup plus se lisser, ça va beaucoup plus couler dans votre vie. Les événements seront moins impactants, seront moins déstabilisants. Et ça, c'est important pour être disponible pour autre chose, parce qu'on n'a pas, que ça à faire dans notre programmation. Mais bon, on a tous des failles dans notre âme qui font que ça nous court toute la journée. Que ce soit vouloir se faire aimer, que ce soit vouloir avoir l'air, toutes ces failles que souvent les dames connaissent bien, que ce soit les failles de pulsions sexuelles, tout ça, toutes ces failles-là, même pour les hommes, par exemple, sont des choses qu'ils aimeraient bien tasser. Donc, moins on se polarise là-dessus, et plus on prend de la distance, et plus ça devient supportable pour l'individu. Parce que moins il est attaché à ses failles, et moins il est pris dans le mouvement d'aliénation. Je vous rappelle qu'on est tous des malades psychiatriques. Mais qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Parce que, à rencontrer la majorité des gens, quand vous les analysez, si vous prenez n'importe qui, vous regardez son psychique, vous regardez ce qu'il y a, vous avez toujours une zone qu'elle cache en arrière, un secret qu'elle cache en arrière. Puis, si vous allez un peu plus profondément dans son psychisme, vous apercevez que le sable n'est pas aussi clair que ça, et que vous avez toujours des zones de noires, par exemple, qu'elle veut ne pas laisser découvrir. Et ça, c'est quand vous faites un entretien avec quelqu'un, quand vous faites une consultation avec quelqu'un, vous voyez qu'il se forme. Vous voyez tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Parce que dans la mesure où elle vous a laissé vous consulter, vous rentrer en elle, vous avez la possibilité d'avancer et puis de voir tout ce qui s'y passe. Et puis vous trouvez toujours les mêmes bases, les mêmes failles. Par exemple, pour la femme, on parlait de se faire aimer ou de culpabiliser. Bon, la culpabilité, ça a été mis en place pourquoi ? Ça a été mis en place pour que la femme puisse s'occuper de son enfant, pour que la race puisse continuer. Parce que si vous ne culpabilisez pas vis-à-vis de ce qui arrive à votre enfant, petit à petit, vous ne serez plus intéressé à avoir des enfants. Donc ça avait été mis en place comme ça. Il y a beaucoup de choses de culpabilité, de failles psychiatriques qui sont mises en place pour que la race continue. Maintenant, tout va changer, étant donné que la femme n'a plus besoin de l'homme pour faire des enfants, et vous allez avoir petit à petit la culpabilité qui va disparaître de chez la femme. Ben, c'est sûr que les rapports entre les hommes et les femmes sont appelés à changer avec l'évolution. Ça peut être intéressant ici d'élaborer un petit peu plus, parce que là, si la femme vit moins de culpabilité, et il y a de l'intégration davantage chez elle comme chez l'homme, l'individu masculin, de l'esprit, à ce moment-là, les rapports, par exemple, de couple, vont être altérés, les relations interpersonnelles aussi. Disons que le couple va devenir plus une cohabitation d'esprit, ce que ça devrait être, et que on a encore mis de la distance là-dessus, mais le couple commence à changer de sexualité pour pouvoir vous permettre aussi bien d'apprécier deux femmes ou de plus savoir à un moment donné quelle est la personne qui est avec vous. Si c'est un transsexuel, si c'est quelqu'un qui a une sexualité particulière, pour que ça ne compte plus du tout, que ça n'existe plus à force. Que ça puisse être lissé. Parce qu'on se dit, ouais, mais moi je le saurais, etc. Mais au fur et à mesure que vous allez décéder, parce qu'on va tous décéder, on va se retrouver à revenir et on aura déjà pris une forme d'habituation, une forme de premier contact avec je dirais pas l'amour, mais avec la confiance dans un individu qui peut être du même sexe que vous ou d'un sexe indéterminé. Tout ça, c'est de l'habituation pour une évolution, pour l'évolution, pour que les couples évoluent, pour que, au bout du compte, on se retrouve tous sans avoir besoin de sexe, mais humain à se connecter, et pourquoi pas faire quand même des couples. Oui, exactement. Ça nous amène ici à une forme d'humanisme qui transcende le sexe et le genre. Donc la personne qui aime l'autre pour ce qui est, peu importe l'orientation ou l'identité sexuelle. Parce que en lien avec ça, ça me faisait penser, parce qu'ici au Québec, une émission qui s'appelle Occupation double, où il y avait un transsexuel, donc tranquillement, on voit les transsexuels de plus en plus sur la place publique. Donc ici au Québec, en Occident, un peu partout. Fait, en lien avec tes propos sur le fait qu'à quelque part, l'orientation ou l'identité sexuelle est appelée à être dépassée, c'est que j'imagine que, par exemple, l'intégration de l'acceptation sociale des transsexuels, un peu comme les homosexuels qui sont plus acceptés, vont être de plus en plus grandes en se dirigeant vers l'avenir. Hein. Ouais, jusqu'au moment où ça ne sera pas à prendre en compte. Vous vous mettez dans un état de lucidité vis-à-vis d'une question. On vous pose une question, comme il va nous poser, et on regarde ce qui se passe. On avance. Et on va chercher de l'information comme ça. Ensuite, votre information, vous pouvez la prendre sur votre contact et vous lui demander qui vous donne l'information. Donc une prise de conscience, ça peut être ça aussi. C'est ce qui s'appelle faire une prise de conscience à l'envers, si vous préférez. Ouais. C'est-à-dire que vous demandez à avoir une autorisation et une accréditation supplémentaire que ce que vous avez. Mais pour ça, il faut vraiment être ancré sur votre centre de gravité pour pouvoir arracher cette information. Là, pour vous donner un exemple, il va nous poser une question. Ben, j'allais justement venir donner un exemple concret par rapport à une information qu'on va arracher. Ou alors, poser une question. Il y avait le monsieur qui voulait poser une question. Finalement, on arrache rien du tout. Si le gestionnaire de pensée, sa job, c'est d'ajuster, il va descendre la pensée dans le temps de son agenda à lui. Ouais. Et par mon expérience à moi, lorsque j'avais l'attitude de tenter d'arracher, j'étais dans une attitude. On ne me répond jamais dans mon temps, on me répond dans leur temps. Ah, il faut l'exiger. C'est fonctionnel. L'exigence par rapport à... l'exigence, c'est du besoin. D'accord ? Si c'est de l'amusement, ils vous répondront quand ils voudront. Même ils vous répondront jamais. Mais si vous avez l'exigence, si vous avez le besoin et pas le désir, ils vous répondront. Parce qu'ils sauront que c'est une nécessité. C'est parce que le besoin crée un manque énergétique. Un besoin, c'est un manque énergétique. Donc, s'il vous manque de l'énergie, c'est un peu comme si vous alliez mourir, en gros. Et donc, vous n'allez plus leur servir. Donc, il va vous donner peut-être pas la totalité de l'information, mais il va vous donner une partie de l'information. Ça pourrait être intéressant d'aborder l'autorité vibratoire de l'individu pour avoir accès au savoir, à l'information. L'autorité de l'individu, c'est plus, comment dire... pas la crainte, c'est pas le mot, je cherche des mots qui puissent. C'est l'intelligence de l'individu qui va permettre au contact de se connecter avec lui. Et ce que tu appelles l'autorité, c'est l'exigence avec force. C'est ça ? Exactement. L'autorité. Et donc. L'exigence, elle est évaluée par le contact comme étant une nécessité. Donc, votre besoin, c'est de l'autorité vis-à-vis de lui. D'accord ? Et si vous êtes vraiment dans le sens d'autorité, il va vous répondre. Parce que c'est une exigence vitale. Oui, exactement. Mais comme vous faisiez tantôt la distinction entre le besoin et le désir. Parce qu'on peut désirer des choses puis avoir besoin de quelque chose de raison de nécessité. On désire des choses avec notre ego et on a des besoins avec notre mental, avec notre esprit. Mm-hmm. Ça revient bien. Où est-ce que tu positionnes l'identité? Est-ce que quand tu es en autorité, tu es lequel est le plus fort? Comme des fois, on dit, ouais, tu as beaucoup d'identité, enfin, tu peux sentir que tu as de l'identité, mais du coup, tu n'es pas en mesure d'exiger, ou inversement, ouais. Est-ce que c'est bien un truc qui est plus haut, plus bas? L'identité, c'est la reconnaissance par les plans de l'impossibilité à te pénétrer. L'autorité, c'est la méfiance des plans à les désorganiser. Donc, c'est plus fort quasiment C'est pas pareil. Il y en a un qui est passif, l'autre qui est actif. Disons que l'autorité, c'est ton activité, c'est ta puissance d'activité. L'identité, c'est ta puissance de passivité. Ah, c'est passif quand même, l'identité. L'identité, c'est l'être, c'est le niveau où tu es arrivé. C'est-à-dire, c'est ton centre, ton immuabilité de ton centre de gravité qui fait que c'est toi qui vas te diriger, c'est toi qui vas nécessairement passer ailleurs. Par exemple, quand tu vas prendre un plan, tu vas dans un plan particulier, tu vas dans un plan où il y a des doubles, tu vas sentir que c'est pas toi qui dirige. Non pas que tu n'aies pas d'identité, mais c'est que ta vibration n'est pas assez solidifiée par rapport à la leur, qui date depuis des milliards d'années. Donc, toi, tu es encore un petit peu léger, quoi. Si tu vas dans un plan astral avec la même vibration, le même centre de gravité, ils vont se pousser. Ils vont être obligés de venir. Quand vous avez une entité, vous arrivez, vous la posez ici, vous lui dites tu es habillé en bleu, elle sera habillée en bleu, parce qu'elle ne pourra pas faire autrement que d'être habillée en bleu. C'est comme ça. C'est votre autorité qui aura fait que vous la maîtriez comme vous pouvez l'appeler, et non pas comme eux la veulent. Mais je ne peux pas faire ça avec les doubles. Avec les doubles, on ne peut pas faire ça pour une raison bien simple, c'est qu'ils savent exactement va pouvoir vous désamorcer. Si par exemple vous dites à un contact, bon, tu viens là pour faire ça, ça et ça, il va regarder à quoi ça va servir. Si ça vous dessert, il va le faire. Parce que c'est un être intelligent, donc automatiquement il va se servir de votre naïveté, ou du moins le fait qu'il soit plus intelligent que vous, pour pouvoir passer le cap. Mais c'est le besoin. Ben, il va exécuter le besoin. L'énergie que vous allez envoyer vis-à-vis des contacts, c'est une énergie qu'ils vous ont prêtée. L'expérience, c'est simplement un paquet d'énergie qu'il faut avaler, assouvir, tasser. Et toutes les expériences que vous avez, ce sont des paquets d'énergie qu'il va falloir diluer dans votre corps. Et c'est à vous à savoir quel est le corps dans lequel il faut le diluer le plus rapidement possible. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un choc physique. Vous venez de prendre, je sais pas, de vous coincer les doigts. Souvent, on a tendance à vouloir le diluer, on tape sur quelque chose. Ou quand on a un choc psychologique, on peut aussi casser des verres, casser des trucs, casser des... On fait dans cet acte-là une dilution de l'énergie que l'on reçoit et que l'on renvoie ailleurs. Et on est tous comme ça. Donc, fonction de la quantité que l'on sait que l'on va recevoir, par exemple, si on sait qu'on va s'éclater le doigt, ou si on sait qu'on va s'éclater les dents, ou si on sait qu'on a la possibilité de prévoir, de se mettre par exemple à côté d'une bouteille pour la casser. Je caricature, mais c'est comme ça. Ouais. C'est pour ça. Donc il faut faire un geste selon l'émotion qu'on a reçue. Faut faire un geste fonction qui correspondra. Parce que si vous regardez, si vous avez eu un choc et que vous faites un geste avec votre corps mental, c'est pas en faisant des multiplications ou en résolvant des problèmes que vous arriverez à faire passer l'énergie. La quantité d'énergie que l'on a dans le corps monte notre vibration. Si notre vibration ne descend pas, on est énervé, on est... stressé. On est empêché de dormir, on est stressé, on est en colère, on n'est pas normal. On ne peut se savoir qu'au moment où la vibration est neutre. Pas quand la vibration est neutre. Ça fait dessus. Comment? D'autres au Québec, on sacre. C'est quand les stabanacles, tant. Est-ce que ça fait ou bien c'est quoi ça? C'est fonction de ce que ça représente pour vous, pour nous. Si on sacre, moi je peux te sacrer tout ce que tu veux, ça représentera rien pour moi. Si tu peux sacrer tout ce que moi je sacre, ça représentera rien pour toi. C'est les mots ont un impact fonction de leur représentation. Parce que même si on renvoie l'énergie vers celui qui est à l'origine de notre débâcle, si on n'arrive pas à le concrétiser, comme on concrétise une entité, mais quand vous concrétisez une entité, il faut arriver à la voir. Si vous n'arrivez pas à la voir, vous n'arriverez pas à la concrétiser. Quand vous arrivez à la voir, quand vous arrivez à la discerner, là vous commencez à savoir ce que c'est. Et là vous allez pouvoir diluer votre vibration. Mais il faut faire attention qu'une entité, elle est soumise à des lois. Elle est soumise à des relations, elle est soumise à des obligations, et le punching ball, parfois, est élastique. Et les conséquences d'un punching ball élastique, on en parlait la dernière fois, c'est qui peut revenir. On peut te dire que quand on a un choc, c'est dans l'action qu'on va plus la diluer. Oui. C'est pour ça qu'il y en a qui se mettent à courir quand ils ont eu un choc. Il faut diluer un maximum les vibrations de façon à vous stabiliser. Parce que quand eux vous envoient les vibrations, quand votre contact vous envoie des informations, si vous n'arrivez pas à les diluer, qui que vous soyez, au bout d'un moment, vous allez disjoncter. Donc il faut les parler, il faut que vous ayez un talking partner, comme on disait. Il faut avoir quelqu'un qui va absorber ça, il faut avoir un conjoint, il faut avoir un animal, même un animal, pour absorber toute cette énergie. On est des gestionnaires d'énergie, on est là pour faire en sorte que notre vibration puisse s'équilibrer sans déranger. C'est-tu là qu'on peut avoir des fois des déprimes parce qu'on ne l'a pas dilué, cette énergie-là? Effectivement. Et d'ailleurs, quand vous avez une déprime, vous serez toujours un petit peu isolé et en incapacité de le faire, de diluer cette énergie-là. Ça donne un petit... Mais généralement, comme on parlait de déprime, la déprime aura toujours une base. C'est toujours dans un objectif, une déprime. Donc, si on nous empêche de diluer notre énergie, et si on nous déprime, si on nous écrase, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui se prépare. Quand il y a du calme, il y a quelque chose qui se prépare. Quoique ce sont des petites clés, il y a toujours quelque chose qui se prépare. Mais généralement, c'est toujours à notre défaveur. Parce que ça va nous accélérer. Et on n'est jamais prêt à des grosses accélérations, à des grands coups de froid. Enfin, vous êtes prêt à des grands coups de froid. Mais nous, on n'est jamais prêt à être poussé, boosté, sans préparation. Alors, leur objectif, c'est de nous booster, nous pousser sans préparation. Et de voir un petit peu comment on se comporte. Parce que c'est toujours dans la panique ou dans l'affolement ou dans les situations extraordinaires qu'on voit le mieux notre comportement. Parce que c'est pas quand on est dans son lit où on se dit « Ouais, je suis prêt à éteindre un incendie, je suis prêt à ceci, je suis prêt à cela. » Mais quand vous commencez à avoir le feu au cul, là, vous apercevez que c'est plus du tout la même affaire. Mais est-ce que ça peut être au défaveur de l'ego, mais en faveur de son évolution? C'est toujours en faveur de son évolution. Voilà. Mais ça, il y avait une question. Oui. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, que la personne pose une question, on reçoit son énergie, on vient comme en vigilance, parce que automatiquement, qu'est-ce que ça se fait? Et là, lorsqu'on parle, lorsqu'on émet, on lui renvoie cette énergie-là. Mm-hmm. Donc, c'est le même processus que tu parlais auparavant, que lorsque l'énergie vient à toi, même par la parole, qu'est-ce que tu fais avec? Et là, tu peux l'émettre par après. Tu comprends ça? C'est fonction de la façon à qui vous allez renvoyer l'énergie et de la personne à qui vous allez renvoyer l'énergie. Si elle n'est pas capable de recevoir votre énergie, ça va être relativement catastrophique. Soit la personne ne va pas vous revoir, soit vous allez vous retrouver en position d'inconnu, c'est-à-dire on va vous considérer, vous allez vous faire une réputation de personne peu fréquentable. Un associable. Une question, tu me réponds, tu me remets mon énergie, c'est correct. Là, c'est correct. Je pense que c'est intelligent. Dans l'échange. Dans l'échange. C'est pour ça qu'il faut vous choisir votre partenaire. Votre partenaire est pas échangiste, mais votre partenaire échange. Il y a une question. Jean-Luc, des fois, ça se peut-tu que. Tu sais, des fois, tu vas casser un verre, tu sais pas pourquoi. Tu vas casser un verre ou n'importe quoi. Sais-tu que tu as un amas d'énergie que toi, tu ne sais même pas qui est en trop, qu'on te le fait comme matérialiser avec quelque chose? Tu sais, des fois, quand ça arrive, ça te donne toujours un petit choc, tu fais tout à l'heure calé, comme elle dit. Ouais. Comment ça se fait? Quand on est dans des mouvements incoordonnés, ce qu'on appelle les actes manqués, c'est essentiellement l'ajusteur de pensée qui vous envoie ça. Il vous envoie des mauvais ajustements de mouvement, de coordination. Voilà. De coordination. Pourquoi? Il dit cela. Parce qu'il a lu qu'il fallait peut-être vous raccorder dans la matière et que c'est marqué dans un programme quelconque qu'il faut que vous soyez bien grandé parce que vous allez recevoir votre frère, qu'il faut que vous soyez bien grandé parce que vous allez recevoir votre sœur, et qu'ils arrivent à des gros paquets de problèmes et que vous êtes à même de, de, Donc on vous monte la vibration d'une manière ou d'une autre, et c'est le moment de le faire. Et donc il faut suivre un petit peu ces événements, et c'est intéressant de suivre un petit peu ces événements, parce qu'il va toujours se passer quelque chose, c'est toujours un petit signal. Il y a un petit signal qui ne correspond pas à votre programmation, ni au décodage de la programmation. Ce sont des signaux éclairs, si vous préférez. Ce sont comment ils m'ont sorti ça? Ce sont des micro-bascules de vie. Micro-bascules de vie. Là, on change d'état. En gros, c'est... Yeah. Comment on va perdre de l'énergie? Comment on va perdre de l'énergie? De manière générale. Wow, c'est une grosse question, ça. Ouais. Ouais. Bonne question. Comment on perd de l'énergie? Le poids à faire. Faut mesurer ce qu'on a à faire essentiellement. Faut savoir ne pas se donner. Je sais que pour une femme c'est difficile. Faut savoir ne pas se donner. Il disait exactement la même chose, parce que on vous rendra pas. On vous absorbera. Vous savez, il parlait de paroles, vous avez des instruments de don, un instrument de don qui est la parole. Donc, le geste, c'est un instrument d'action. Donc, quels sont les instruments qui sont à notre possession pour ne pas perdre d'énergie? Vous avez donc la parole. Ensuite, l'action, c'est celle par laquelle vous allez perdre votre énergie. Tandis que la parole, c'est celle par laquelle vous allez recevoir votre énergie pour la communiquer. Ok ? Donc on la communique, on ne la donne pas. Ouais. Elle ne nous appartient pas, donc on ne donne pas quelque chose qui ne nous appartient pas. On la laisse glisser. On fait en sorte qu'elle soit décodée. La meilleure façon de ne pas perdre son énergie, c'est quand elle est reconstruite par quelqu'un en face de nous. D'ailleurs, quand on est en colère, on cherche toujours à générer une énergie identique à notre colère de façon à pouvoir s'équilibrer. Par exemple, quand vous êtes en colère avec votre conjoint et que vous attendez qu'une chose, c'est qu'il se mette en colère pour compenser votre colère. Indirectement, c'est toujours ce qui se passe. Donc, vous allez toujours le provoquer, jusqu'à ce que ça monte et que cette colère puisse s'équilibrer avec la vôtre. Un peu comme si j'ai perdu beaucoup d'énergie à t'attendre ou à faire un tas de trucs. Toi, tu arrives, tu te mets dans le fauteuil, tu fumes, et un problème. Donc, vous lui faites dépasser son énergie, pas pour faire le ménage, mais à la mesure de tout ce que vous avez. Et quand il y a équilibre d'énergie, parce qu'il faut le voir très loin, d'un niveau beaucoup plus psychique, quand il y a équilibre d'énergie, tout le monde se tasse. C'est... Il faut que tout le monde puisse faire ça, parce que si vous dépensez d'un côté l'énergie sans avoir de renvoi de votre énergie, sans avoir le miroir de votre énergie dépensée, vous allez petit à petit dépérir, vous allez petit à petit avoir la sensation que vous mourrez avec le conjoint qui est là. Allez-y. Si tantôt tu disais qu'on perd l'énergie dans l'action, alors s'il nous arrive une expérience, qu'on passe à l'action, alors je pense qu'il est important là, d'appeler quelqu'un pour pouvoir reprendre un peu son énergie, si je comprends bien dans tout ce que tu viens de dire. Parce que sinon, dans mon action, moi je perds toute mon énergie puis je viens de plus en plus faire. À un moment donné, c'est là qu'il est temps d'appeler quelqu'un, je viens là, je viens de vivre ça, il est arrivé quoi que ce soit, pour pouvoir échanger et communiquer pour que l'autre puisse... Ouais, ou alors mettre en mesure un raffinement de sa vibration ou un raffinement de son énergie perdue, ce qui permet de mesurer ce qu'il y avait, de faire une étude de son comportement, de sa gestion d'énergie. Parce que souvent, les mouvements que l'on fait sont analysés par derrière, par notre psychisme, par notre contact, et ils regardent la façon dont on est gestionnaire de ça. On est tous gestionnaires d'une certaine quantité d'énergie, puisqu'on est gestionnaire déjà de notre vie. Donc, on est gestionnaire d'une certaine quantité d'énergie. Les surplus, il faut voir comment on les gère. Il faut voir comment on se dilate. Il faut voir comment on contracte. Et faut éviter de déployer un petit peu notre énergie n'importe comment, comme fait l'enfant au début, qui galope alors qu'il n'a pas de raison de galoper. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Et il faut voir à quel niveau on est d'enfants ou d'adultes. Les personnes qui gèrent l'énergie, qui travaillent sur l'énergie, ce sont tous les gens qui font certains des arts martiaux, du yoga, qui s'appliquent essentiellement à gérer ce type d'énergie. Et nous, on fait pareil, sans en avoir la sensation, ou sans en avoir l'entraînement, mais au fur et à mesure, on est expert. On commence à bien... Quelqu'un qui va vous rentrer dedans, vous allez sortir, enfin en voiture je parle, vous allez sortir de votre véhicule, vous allez être beaucoup plus assagi que quand vous étiez quelques années auparavant, vous auriez pris la masse et puis vous auriez foutu la voiture en frac. C'est des exemples, évidemment. Est-ce que l'écriture peut nous permettre, lorsqu'on est seul, puis qu'il arrive quelque chose, puis qu'on n'a pas personne sur le moment, si on n'a pas la personne pour pouvoir rejoindre par téléphone, est-ce que l'écriture peut nous aider à canaliser cette énergie? L'écriture vous stabilise, mais l'écriture ne va pas déverser l'énergie. Il faut que l'énergie ait un écho pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse filer. C'est un petit peu comme si vous respiriez dans une poche en plastique. Au bout d'un moment, c'est toujours le même air, vous allez vous asphyxier. Donc l'écriture, elle sert, l'écriture automatique si vous préférez, elle va servir à stabiliser votre énergie, à vous aider à stabiliser l'énergie, mais pas à la dépenser, mais pas à l'évacuer. Quand on demande un spaghetti, ça va donner de l'énergie physique. Dans mes affaires, je n'en fais trop, là, je ne ferai plus d'énergie. Ça, c'est correct. Ouais. Mais l'énergie qu'on reçoit au niveau du cerveau, là, ça, tu penses pas de l'hormone, mais ça ne m'a rien donné. Hein. Je ne peux pas te pocher avec ça. Autrement dit, c'est d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si je mange un spaghetti, là, je sais que l'énergie garderait. Mais l'énergie que j'envoie dans le cerveau, là, c'est pas, même si ça donne 3 heures de temps, ça arrête tout. L'énergie qui va dans le cerveau, j'en ai parlé, c'est ça va vous donner des niveaux d'accréditation, ça va vous donner des niveaux de conscience, des niveaux de lucidité, ça développe la lucidité, ça écarte votre capacité d'envisager les mécanismes, ça vous permet de rencontrer d'autres personnes et d'en abandonner certaines. On est en permanence dans un changement vibratoire et si on reçoit sans arrêt de l'énergie, on va être dans une vibration qui va vous faire changer votre programmation, une partie de votre programmation. Oui, c'est beaucoup plus important que de prendre de l'énergie physique ou de énergie, elle n'est pas régulable, elle est recevable. On ne peut pas faire autre chose que recevoir de l'énergie. quand vous avez votre contact, vous pouvez lui dire « tu me laisses tranquille », mais l'énergie, automatiquement, elle vient avec l'énergie vitale, elle se dilue, et que ce soit l'énergie du double ou l'énergie vitale, vous aurez du mal à arriver à faire la part. Et donc, on se fera voir à la fin. Je sais, c'est une énergie grande, mais c'est pas comme l'autre, si tu manges le corps physique, il reçoit l'énergie, l'autre, c'est un autre, en fait, ça vient. On a plein de trous pour recevoir l'énergie. Mmh. Et c'est jamais la même. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des énergies qui sont plus ou moins fines, beaucoup plus ou moins raffinées, et qui servent à différents corps. Ouais. Donc, les corps, c'est raffiné, mais... certains sont, vous savez, pour que les corps fonctionnent, il faut qu'ils aient accès à différents étages de votre corps. Et quand je dis votre corps, de votre âme, il faut qu'ils aient accès à différents étages. On ne peut pas tous avoir une énergie en haut et tout le bas le laisser comme ça en vrac. Parce qu'automatiquement, ça débasculerait l'individu et l'individu deviendrait... comment dire, très, très douloureux, très, très algique, très mal organisé. Et puis à la fin, il deviendrait fou parce qu'il pourrait, il sentirait toutes ses autres énergies, tous ses corps, et il ne pourrait pas les gérer, il ne pourrait pas les alimenter. Alors, donc c'est un peu comme s'il s'alimentait de la tête, mais que le restant était en train de faire un jeûne d'énergie, et que ce jeûne d'énergie va faire flétrir tous les autres corps. C'est-à-dire que le corps astral s'en irait, donc il n'y aurait plus la possibilité de rêver, donc il ne dormirait pas. Le corps vital s'en irait, donc il n'y arriverait plus à se déplacer. Et tous les corps, vous pouvez les voir comme ça, alors qu'il aurait toujours la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Mais il n'aurait plus la possibilité d'aller rencontrer quelqu'un, de faire le numéro parce qu'il ne s'en rappellerait plus, etc., etc. Et donc, il faut de l'énergie pour tous les corps et de la gestion d'énergie pour tous les corps. Pour ça, on est obligé de gérer nos énergies par tous nos corps. Il y en a qui la gèrent au point de vue physique, ils sont experts. D'autres qui la gèrent au point de vue psychique, mental, ils sont experts. Mais vous avez des expertises pour tout. Mais nous, on doit devenir des gestionnaires, de bons gestionnaires, sans être automatiquement des experts, parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Mais sinon, pour faire suite à sa question... Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre des phénomènes où ils reçoivent beaucoup d'informations, puis ça canalise. Moi-même, l'autre fois, quand il y a eu la journée conférence de vendredi passé, après la journée, je n'étais pas capable de dormir. Je n'ai pas dormi avant 4 heures du matin, je recevais plein d'informations. Comment qu'on peut mettre fin au contact quand on est activé par une conférence ou une activité comme aujourd'hui pour ne pas faire de l'insomnie là, plusieurs heures après l'activité? Il y a la possibilité d'en parler jusqu'à ce que ça se calme, avec une interface avec quelqu'un. Il y a la possibilité de basculer cette énergie sur autre chose, par exemple d'aller manger, d'aller danser, d'aller faire une fête. Je me rappelle d'une personne avec qui que j'avais scanné à un moment donné. Je faisais des entretiens où je regardais à l'intérieur de la personne et la personne, pour arriver à se calmer, elle avait bu toute une bouteille d'un litre de whisky. Et le lendemain, elle n'était pas saoule. Et ce n'était pas quelqu'un qui buvait. C'est simplement pour vous montrer que ça aussi, c'est une illusion. Y a des fois où vous allez pouvoir boire, mais en quantité, le lendemain, vous ne serez pas saoule. Ce qui nous était arrivé, nous on avait bu deux bouteilles deux coupes de champagne, et pendant deux jours, tout était bien. Troisième jour, moi j'étais complètement pété. Ça vous donne. Oh, c'est la gestion d'énergie, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils veulent. Et donc, quand il y a des mouvements qui sont faits, suite à une prise excessive d'énergie et que, d'un point de vue gestion, c'est mal géré, on va dire. C'est géré d'une manière... Ça sert à quoi? C'est-à-dire c'est que... Ça sert à montrer les blocages. C'est que souvent, il y a un blocage. Il y a un blocage. Ça soit... ne passe pas par là où vous devez passer. Ben, c'est retréci un endroit, donc ça sert à couper le retrécissement, et petit à petit, ça ouvre le canal. Mais bon, il faut que ça passe en force. Ça passe en force. Donc, ce qui est le mieux, c'est de pouvoir faire fonctionner le canal en échangeant, en parlant, en donnant ses sensibilités avec quelqu'un qui est aussi réveillé, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient aussi réveillés, vous auriez pu vous retrouver au bout du fil, et au bout d'un moment, vous sentez que c'est bon. Vous êtes calme, tout est passé, tout a été échangé, tout a changé de côté. C'est-à-dire que là, le côté positif est allé avec... s'équilibrer avec le côté négatif et ça circule. Parce que quand vous êtes en pression, quand vous êtes en soumission par rapport à cette énergie, automatiquement, c'est que ce n'est pas passé de l'autre côté. Quand on avait Bernard à la maison, lui, il travaillait jusqu'à 4-5 heures, ça, il ne posait pas de problème. Le lendemain, on allait travailler à 6 heures et la quantité d'énergie qu'il y avait... Si elle vous laissait réveiller, vous étiez fait alors cela. C'était une semaine que vous passiez non-stop réveillé. Et le fait de pouvoir parler, de pouvoir évacuer, de pouvoir dire ce que l'on avait à dire avec lui ou avec votre compagne ou avec des gens qui étaient dans votre environnement, permettait de tasser tout ça, de ralentir tout ça. Et quand il y avait à un moment donné... qu'on était ici à Montréal, je crois que c'est ça, à côté de Montréal, je ne sais plus où ils faisaient ces séminaires, où on allait dans la neige pour relaxer ou dans le froid, vous aviez ici, c'était l'idéal pour pouvoir gérer votre énergie parce qu'à l'extérieur, ça va vous ramener dans votre corps à cause du frais, du froid, et ça va permettre de mieux vous stabiliser. Ça va mort ce soir. Ouais. D'autres questions ? Là ? Oui, si tu n'as pas tous ces éléments-là pour diluer ton énergie, de fait, tu te retrouves à faire des mouvements qui semblent inopportuns, mais tu rencontres quand même du monde, bon, tu réadaptes du coup ton langage. Est-ce que parce que ça permet malgré tout de se stabiliser, mais ça, on dirait que ça ne sert à rien. Par exemple, je veux dire, je suis poussée par une forme d'énergie, je me retrouve... chez le poissonnier qui n'a pas du tout la même communication que moi. Et en plus, j'ai même envie d'acheter du poisson. Je lui dis, bon, c'était juste une visite de courtoisie, puis je repars. Donc, ça ne servait à rien ce que j'ai fait. Si, il a pris une petite partie d'échange. Je vais distribuer de l'énergie. C'est de la distribution. On distribue avec le maximum de choses ce que l'on a en soi. Parce qu'à ce moment-là, je distribue là, comme ça. Jusqu'à ce que vous soyez en équilibre. On apprend à gérer notre énergie. Donc ça ne sert pas à rien finalement. Ah non, ça ne sert pas à rien, ça sert à... Parce que là... C'est le poissonnier qui se demande ce qui se passe, quoi. Pourquoi c'est... Celle-là, elle est fatiguée aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas non plus que... C'est pour ça que je disais, il faut faire attention à ce que vous lui dites au poissonnier. Mais il faut gérer son énergie de manière à savoir ce qu'on fait. Dans la mesure où vous savez ce que vous faites, vous savez que l'énergie va s'épandre, va se diluer. Il faut diluer cette énergie parce que si vous ne la diluez pas, d'abord, vous ne la perdrez pas parce que vous retrouverez le niveau. C'est un peu comme si vous aviez comment on appelle ça, les trucs que l'on monte là, un curseur, merci, et que vous avez monté le curseur ici. Mais le curseur ne redescendra pas, même si l'énergie qui vous a propulsé jusque-là, vous savez que vous avez le curseur qui sera monté jusqu'ici. Donc, vous ne craignez rien, vous ne perdez rien, vous êtes simplement en mesure de bien gérer votre énergie. Et ça, c'est important. C'est important parce que l'individu qui est en face de vous, la compagne qui est là, qui vous aime, qui est en face de vous, si... elle ne prend pas la même énergie, elle va être débalancée. Elle va être débalancée, elle va davantage faire de choses. Et si vraiment vous êtes à même de respecter ce qu'elle fait, ce qu'elle est, il faut il faut un petit peu balancer votre énergie avant de la retrouver. Parce que sinon, vous allez la débalancer. Et débalancer quelqu'un qui n'arrivera pas à gérer son énergie, sauf si vous lui expliquez, c'est le pousser vers des zones de maladie, comme on disait. Le programme, il est stationnaire. Et si vous augmentez la quantité d'énergie, soit il va y avoir une forme de dépression par excès, soit une forme de dilatation. Les deux sont dangereux. La dépression, c'est dangereux. L'euphorie inconditionnelle, c'est dangereux, c'est insupportable. Oui. Lorsque tu as un partenaire qui n'est pas le même cheminement que toi ou quoi que ce soit, puis tu as toute cette énergie-là, alors ça veut dire que ça doit être facile de débalancer son partenaire. Oui, c'est mais ce que tu dis, si vous êtes avec un partenaire, normalement, c'est pour équilibrer vos énergies. Voir si vous voulez le faire mourir, il y a d'autres techniques. Mais en même temps, si on a un partenaire qui n'est pas dans la même conscience que nous, comme tu viens de dire, on va ailleurs, on va se rebalancer, puis on vient. Ouais, on va le débalancer, lui, parce que... Ça ne sert à rien de le débalancer ou de l'amener dans un système particulier, parce que automatiquement, il va voir uniquement que la personne qui la balance. Qu'il amène dans ce système particulier. Il faut qu'il puisse se faire surprendre par le compagnon ou par l'individu à qui il est ou la femme avec qui il est. Il faut qu'il puisse se faire surprendre et vous, que vous puissiez vous faire surprendre pareil. Parce que sinon, dans le couple, vous aurez une forme de quelqu'un qui aura beaucoup d'énergie, quelqu'un qui va fournir l'autre, mais quelqu'un qui, au bout du compte, va avoir tendance à l'écraser, à le diriger. Même s'il ne veut pas, même s'il n'a pas la notion, mais la personne va se sentir moins bonne gestionnaire d'énergie que lui. En gros, c'est ça. Donc, il n'y aura pas un rapport équilibré, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être plus dominé, puis l'autre dominant, même si la personne ne veut pas nécessairement dominer l'autre, mais comme elle a un taux vibratoire plus élevé, implicitement, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va se passer. C'est un peu comme si vous faisiez de la gymnastique, que vous retrouvez très costaud, quand vous allez prendre des choses, vous allez pouvoir les amener dans une certaine dynamique, et vous allez acheter des choses costauds, mais qu'elle, elle pourra pas les faire. Ouais, ouais. OK? Donc elle pourra pas mettre la table en place, parce que... Elle ne pourra pas défaire l'écrou, elle sera toujours obligée de vous appeler et elle sera indirectement soumise à votre force. Et c'est pareil pour le psychisme, c'est pareil pour les ennuis, elle viendra toujours vous en parler, elle n'arrivera pas à gérer le problème. Or, si vous avez un compagnon, l'objectif c'est de savoir quel était l'objectif au début avec votre compagnon et quel était ce que vous vouliez faire avec lui. Est-ce que vous vouliez avoir un brin d'échange, un brin d'échange d'énergie, un brin d'échange psychisme, qui est aussi de l'énergie, ou si vous vouliez vous en servir comme appui, comme sécurité, il faut à ce moment-là vraiment réviser votre objectif de couple. Attendez, je crois que... Il y avait 1, 2... Non, c'est toi qui fais les... Bon, voilà, ça serait... Madame était là en premier dans... Peut être soit l'homme ou la femme, là. Oui. Celui qui a le plus d'énergie versus la personne qui est plus calme. Est-ce que la personne qui est plus calme ne peut pas débalancer la personne qui a trop d'énergie ou la personne qui a trop d'énergie? Ça dépend de quelle énergie. Qui peut débalancer. Si la personne est très calme et puis arrive à gérer l'énergie, à pomper votre énergie, c'est l'idéal. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'elle le fasse sortir, parce qu'elle ne peut pas être sans arrêt dans un état d'aspiration. Mais que ce soit un homme ou une femme, peu importe, je parle d'individus génériques, quoi. C'est pas une spécificité. Vous avez des femmes qui sont hyper énergétiques, énergisantes, qui sont difficiles à gérer. Même pour des gens qui sont très stables, des hommes qui sont très stables, au bout d'un moment, avoir tes copines. ou inversement, des gars qui sont toujours en train de faire du sport, qui pensent à faire de la compétition, des trucs comme ça. Va voir tes copains, c'est à ça que ça sert les copains. Vous voyez, la problématique du couple, c'est ça. C'est la gestion d'énergie. Gérer votre énergie avec votre couple, et là, ça sera le calme plat, parce que vous saurez que vous arrivez, vous avez un problème particulier, vous lui en parlez, il vous donne son idée, vous échangez, vous ressortez, le lendemain, vous êtes armé. Mais on ne parle pas de la même dynamique à ce moment-là d'un couple, que vous avez un dominable, un dominé, puis que la personne qui domine l'autre personne tout le temps par de la manipulation. Ah ouais, mais on n'est plus dans la même dynamique. On ne parle pas de la même dynamique, je ne parle pas d'un couple traditionnel qui ne connaît qu'une compétition de pouvoir ou une compétition d'intelligence ou une compétition. On n'est pas dans la compétition. Il y en a qui se prennent un homme ou une femme pour l'écraser, pour se prouver qu'ils sont meilleurs. Bon, on ne part pas dans la. On parle de gens qui savent et qui ont connaissance de leur énergie pour pouvoir la gérer, pour pouvoir l'échanger avec l'autre qui a autant d'énergie et qui est là en même temps pour compenser. Et ce sont ces balancements qui vont faire en sorte que vous soyez bien dans votre couple et que vous ne vouliez pas en changer. Parce qu'avant de trouver quelqu'un d'intelligent qui vous connaît, ça prend du temps et ça prend de l'investissement et vous n'êtes pas intéressé parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Attendez, passez. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut se sentir responsable de notre propre énergie? On est responsable de notre propre énergie. Totalement. C'est un peu comme si, c'est comme si on avait une flamme qu'on tenait à bout de bras, qu'on se balade dans la ferme, et que quand on passe à côté de paille, on dit est-ce que je suis responsable de ma propre énergie? Un petit peu, parce que si vous foutez le feu dans la paille, vous brûlez la ferme. C'est comme ça. La femme ou l'homme qui se retrouve avec une certaine énergie est responsable de son énergie. Et donc c'est au couple, c'est à l'individu qui est en face de lui faire prendre conscience qu'il a un flambeau entre les mains et qui est à même de faire tout brûler. Donc qui se prendra lui-même responsable, qui se sente lui-même responsable de son flambeau. Et effectivement, souvent, on n'a pas la notion qu'on a cette énergie. On balance ça parce que on a l'habitude, parce qu'on est dans une vibration particulière, et on a peu de feedback de soi-même quand on a cette quantité d'énergie. Des questions ? Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on a des décisions à prendre ? Ça veut dire que on a une construction à faire avec dans son couple. C'est que le couple doit prendre cette énergie, la gérer, la tasser et la redistribuer. C'est-à-dire que par exemple le poissonnier, il n'a pas pris l'énergie, ou il en a pris un petit peu, mais peut-être pas suffisamment. C'est l'individu qui est relativement calme, qui va prendre l'énergie et qui doit équilibrer sa compagne, pas le poissonnier. Normalement. Ça marche pareil quand on est seul. Il faut se trouver quelqu'un. Il faut trouver un talking partner. Ouais, j'adore cette espèce de. Je suis désolé, je voulais savoir, Jean-Luc, dans cet échange-là, dans ce déversement-là d'énergie, est-ce que vu que c'est un déversement où ce que toi tu dois rééquilibrer tes énergies, est-ce que tu dois quand même considérer que ta responsabilité, mais aussi le respect là-dedans, parce que tu ne peux pas déverser ou qu'est-ce. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le respect là-dedans? Le respect, c'est de savoir qu'il faut prévenir simplement l'autre. Si vous êtes capable de prévenir l'autre. Je vais t'engueuler, alors là je te le dis, je vais t'engueuler. Par exemple, Et vous verrez que vous pourrez l'engueuler. Tu le mets dessus dans la vibration. Il vous dira, tu veux m'engueuler, engueule-moi, vas-y, vas-y. Du moment que c'est dans la vibration et que tu m'as prévenu, ça veut dire que tu gères ton énergie, donc tu n'iras pas trop loin. Tu lui dis, on prend 2 minutes pour se parler. Alors là, voilà. Tu le mets dans la vibration. Voilà. Tu sais qu'il va arriver quelque chose. Voilà. Ok, alors c'est un respect. C'est un respect. Okay. Parce que ne pas le respecter, c'est d'arriver et tu balances toute la sauce. C'est que quelque part, vous ne respectez pas. Donc, ok, donc on a une responsabilité, c'est pour ça qu'elle est comme ça. On a une responsabilité de la quantité d'énergie. C'est un peu comme quand on se balade avec le flambeau. On a une responsabilité de ne pas flamber les gens qui sont dans votre environnement. Regardez au début, quand vous aviez des notions de connaissances de Bernard, que vous avez pris vos copines, que vous les avez bastonnées et tout ça, les copines sortaient, elles n'arrivaient pas à dormir. Votre responsabilité, c'était d'amener peut-être les copines à être un peu plus ouvertes pour absorber votre vibration. Mais vous avez fait ça parce que vous aviez trop d'énergie et qu'il vous fallait que les gens que vous aimiez soient à votre niveau. C'est un manque de respect. Oui. Même si on les aime. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer les autres. Fait qu'amener quelqu'un d'autre à une vibration occulte, c'est pas vous qui l'amènerez. C'est pas réel. Pour économiser son énergie, mettons, par un exemple de travail, c'est flagrant, ça. Ouais. Alors, est-ce que la solution pour économiser l'énergie, c'est non pas de parler, mais de ne pas rentrer dedans? Mais c'est pas fait. Si elle est... La gestion d'énergie, c'est pas rentrer dans la colère? C'est pas avoir... Tu gères ça? C'est gérer sa colère. Oui, mais au lieu de la parler, c'est de la gérer soi-même. Mmh. Gérer sa colère, au bout d'un moment, c'est quand même laisser transparaître et déstabiliser et déséquilibrer son corps avec toute la colère. Parce que même si vous avez la capacité de gérer beaucoup de colère, vous serez toujours dans un état irritable, dans un état vigilant. Et on parle de couple, hein. C'est pour le couple, avoir quelqu'un toujours dans un état vigilant a du mal à faire la part des choses qui sont de tous les jours par rapport aux choses qui sont importantes. Même l'individu qui se met en colère, automatiquement, il a une gestion à faire qui n'est pas évidente. Il faut qu'il évacue sa colère, il faut qu'il évacue sa vibration. L'individu qui va percevoir votre vibration, c'est votre compagne, c'est votre compagnon, c'est votre ami, c'est celui qui dira tiens, il a des choses à dire. Non, mais tu peux pas faire ça. Tu vas déstabiliser l'autre. Ça dépend. Si l'autre, vous l'avez prévenu, c'est ça. On peut toujours faire quelque chose. Tu peux pas prévenir quelqu'un de dire, bon, regarde, là, je suis en crise, là, fait que. Si. Attends-toi, là, faut que je t'en déverse un petit peu, puis qu'on parle, que l'énergie circule, pour t'expliquer. Oui. Si. Je peux pas appeler quelqu'un, moi, puis dire, bon, regarde, là, je suis en crise, là, mais là, toi, t'es plus intelligent, ma femme, elle veut pas t'entendre parler de ça, fait que je vais en parler avec toi, quand même. Oui, oui. C'est possible. Oui. Trouvez-vous quelqu'un. Un partenaire de la parole. Le bras. Mais ça se fait tout le temps, l'ami, ou en tant que partner, ça se fait tout le temps, oui. Ça permet de que ce ne soit pas toujours le même qui supporte ça. J'aime mieux parler de créativité avec des gens intelligents que de commencer à leur exprimer ma colère. J'ai rien à exprimer à quelqu'un d'intelligent de ma colère. Mais votre colère, c'est votre connexion. Donc, le fait de connecter avec quelqu'un fait en sorte que vous allez lui amener la capacité de connecter. Donc, la capacité de parler. D'échanger. On parle d'acte de colère mentale. Une colère mentale va permettre avec l'individu avec qui vous êtes en colère de pouvoir échanger, de pouvoir trouver autre chose. Donc ça va assagir votre colère. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous trouvez un individu qui est capable de gérer votre colère et puis vous allez voir votre colère. Elle va s'assagir. Lui, il sera peut-être en colère après. Parce qu'il aura pris la vibration. Parce qu'il aura à gérer une nouvelle vibration ou à gérer quelque chose auquel il avait pensé. Mais vous aurez peut-être préservé votre compagne, mais votre compagne, elle ne peut pas. Chaque fois que vous êtes en colère, avaler ça. C'est inhumain. Donc il vous faut quelqu'un qui ne soit pas dans votre assistance. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit rude. Vous venez me voir avec votre colère. Moi, je vais vous regarder. Je vais analyser votre colère et je vais m'en servir. Oui, ça c'est sûr, mais vous êtes pas normal. Je ne sais pas, mais... Mais en même temps, c'est pareil, ça ne dure pas longtemps non plus. Ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu vas crier après quelqu'un. Ben, tu sais, tu vas te, pas crier. C'est pas automatiquement crier. C'est ta vibratoire. C'est ta vibratoire. Oui, c'est ça. C'est un trompe-main, m'en est. Oui, c'est ça, mais c'est une vibration qui est là, qui doit passer, qui doit rentrer dans l'individu. Il faut qu'elle rentre dans quelqu'un. Moi, si j'avais, c'est pour ça que j'avais une colère qui me rentrerait. Ouais. Là, tout d'un coup, je suis pris, là, on est ici, là, je suis pris, là. Puis c'est plus un coup de poing sur la table, supposons, puis ça va rentrer. Ouais. Mais ça n'a pas. Non, non, mais. Ça. Monsieur. Oui, mais la question sur les caractères émotifs. Ça, c'est le produit. Oui, ça. Crise, puis de là, vibratoire, ça sort, c'est là que ça se passe. Oui. Mm-hmm. Puis il y a une parole créative qui va être là. Ouais. C'est là. Mais une parole créative, c'est constructif. Avec la colère. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. Il y a deux femmes différentes qui ont fait ça. Moi, on a des places spécifiques. Tout est là. C'est comme si c'est prévu que ça va arriver. Ça. Ça va être des jours pleins. La personne, elle sait que c'est là que ça va se passer. Puis là, ça se dit. Il n'y a aucune émotion. Même ça parle fort. On ne parle pas d'émotion. On parle de colère mentale à gérer. On parle de gestion d'énergie. La colère astrale, c'est de la gestion de débalancement. C'est pas de la gestion d'énergie. Je voudrais savoir, ça veut dire que si, mettons, toi, tu es en colère, puis que tu la contiens, puis tu la gardes pour toi, puis tu ne l'exprimes pas, ça veut dire que même si tu ne veux pas, elle s'est mal à l'entour de toi, pareil, puis les gens la sentent quand même. C'est ça? Les gens le sentent quand même. Et puis la voix, quand même. Quand on fait des petits exercices avec des gens qui viennent chez toi, tu le vois, ouais. Tu le sens, tu vois la colère qui transparaît. La personne en face le sent. Les entités qui sont là commencent à vibrer, commencent à se soumettre, commencent à mettre le genou à terre. C'est terminal. C'est une vibration qu'elles ne peuvent pas gérer. Donc, les individus qui sont astralisés, sur lesquels vous allez vous mettre en colère, ne peuvent pas gérer ce type de colère. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils peuvent être terrorisés. Mais si tu n'en fais pas de colère, tu la gères. Mais c'est l'illusion de penser qu'elle ne fait rien pareil. Parce que vu qu'elle n'est pas expulsée ou elle n'est pas, donner un coup de poing, casser un verre, n'importe quoi, les gens en face, la vie quand même, sans que tu le saches, tu comprends-tu ce que je veux dire? Comme elle n'est pas gérée, si tu la contiens, ça fait quoi? C'est toi qui... Les gens en face, dans leur mental, ne savent peut-être pas ce qui se passe, oui. Mais on n'est pas tout seul. Donc il y a beaucoup de choses autour qui font en sorte que les corps électriques, les corps physiques... voit peut-être pas la chose qui se passe, mais les entités, votre contact, son contact et tout ça, savent ce qui se passe. Donc, quand vous déversez quelque chose, dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui sait ce qui se passe quelque part. Mais si tu le déverses pas, tu le contiens, tu le déverses pas, ça fait quoi? On ne peut pas le contenir. Au bout d'un moment, vous allez devenir très... Aigri, ça paraît pareil. Très irritable. Okay. Parce que vous allez chercher la moindre excuse, le moindre prétexte pour pouvoir déverser votre colère. On ne peut pas être sans arrêt rempli. Souvent, les gens finissent par exploser. Voilà. Les gens qui font des crises puis explosent. Oui, c'est naturel. Ouais. Ça peut être des maladies si on la contient trop longtemps, souvent. Ça accélère votre programmation et ça va entraîner une maladie. Quand on parle de ça, ça va propulser votre programmation. Vous allez lisser des expériences. Vous allez lisser des expériences, mais au bout d'un moment, vous allez vous retrouver tout seul. Salut. La colère mentale, c'est entre soi et les plans. C'est entre soi et les plans, mais la gestion de soi fait que les plans, s'ils veulent fermer, ils ferment. Mais nous, on reste avec notre colère. Quand on est en colère avec les plans, parfois, ce sont eux qui ont envoyé la colère. Mais ça fait. Ouais. C'est une expérience qu'on nous apprend à la gérer. Oui, okay. Mais le problème, c'est que on reste avec le paquet. Donc, il faut en faire quelque chose. Ben, quand tu as la paix, ensuite, tu n'as pas de paquet. Ah, quand tu as la paix, après, avec eux, pas de problème. Il n'y a pas de paquet. Il n'y a plus de paquet. C'est ça. Tout est filé. C'est mais ça. C'est quand on se retrouve sans gestion et qu'eux, ils ont balancé ça dans le sens où, par exemple, la dernière fois, vous ne le sentez pas, mais quand il y a des mouvements de colère qui viennent par derrière moi, qui poussent, il faut que je gère ça. C'est une gestion. Oui. Ça apprend à gérer. Je ne vous balance pas ma colère directement. Il faut apprendre à la diluer, à s'en servir. Et c'est la façon dont vous en servez par rapport à votre parole. Des fois, il faut faire en sorte d'être un bon gestionnaire. Bon. Est-ce que la colère mentale ne raffine pas la créativité? Elle va... Créativité envers les plans. La créativité envers les plans. Les plans, ils connaissent notre créativité et ils envoient la colère à la mesure de ce que l'on a comme créativité. Donc, ce qu'ils envoient comme énergie, c'est simplement... pour faire en sorte de voir ce qu'on peut faire avec notre conformation mentale et la quantité d'énergie qu'ils envoient. C'est uniquement une étude. Quand on est tout seul, ou avec plusieurs, c'est une étude qui se fait. On fait un échange. La créativité, c'est un résultat. La colère, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'échange. C'est intéressant à travailler, parce que quand vous avez des mouvements de colère, ce sont des mouvements souvent qui peuvent être pas de l'insatisfaction, mais un manque de quelque chose. On vous cache quelque chose, par exemple. Ils ne vont pas vous dire quelque chose. Vous avez besoin de votre créativité, vous allez avoir un mouvement de colère où il va être obligé de vous le dire. Pourquoi ? Parce que vous serez monté en vibration à leur niveau. Et à leur niveau, ils pourront vous dire ce que vous voudront. C'est tout. Et c'est parfois ce que je fais, je monte en colère pour arriver au niveau vibratoire de façon à pouvoir prendre ce qu'il me faut. Ils le font uniquement. C'est de l'exercice, c'est la gymnastique, mais cette gymnastique ne se gère pas avec les gens, elle se gère avec eux. Exact. Ouais, parce tout. Que sans ça, tes corps ne pourraient pas le prendre. Moi, des fois, ils vont me faire des colères, là. Je ne me fâcherai jamais comme des humains comme ça, mais contre ça, oui. Puis je m'aperçois que, parce que quand tu es en colère, tu sens comme à un moment donné une sorte d'invulnérabilité. Là, il en profite pour passer de l'information que tu n'aurais peut-être pas été capable de prendre si tu avais été à un niveau plus bas. Puis comme tu dis, là, il passe ça, puis après ça, tiens, à un moment donné, on voit là, ce qui se passe, là, puis tiens, à un moment donné, ça va ça. Mais on voit qu'ils l'ont passé quasiment juste pour ça. Ils te passent pour échanger, pour voir, pour mesurer un petit peu ce que tu vas faire. Mais dans le fond, ça dépend de notre niveau de conscience pour pouvoir être capable de diluer ce choc-là. De l'élasticité de notre conscience. On nous amène toujours dans une élasticité de conscience, dans quelque chose de plus vaste que ce que l'on a connu. Et regardez, chaque fois que vous avez été en colère et que vous avez eu la possibilité de contacter certains plans, ils vous ont donné des informations. Quand vous êtes redescendu ou quand vous avez assagi votre colère, vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce qui avait été rapporté et que vous essayez de l'appliquer dans votre vie de tous les jours. C'est ça à quoi ça sert. C'est sûr que se servir de cette nouvelle énergie, c'est un peu comme... c'est un peu comme demander davantage de place dans votre environnement. Donc, il faut que l'individu qui soit avec vous comprenne ce qui se passe, comprenne cette nouvelle créativité, et si lui peut l'utiliser, bon, ben, il va s'en servir jusqu'au moment où parfois ça lui est pas destiné parce qu'il est occupé, il a d'autres préoccupations et ça devient trop débalançant. Donc c'est à vous à dire stop, stop, stop, parce que lui il s'arrête jamais. Jour, nuit, pas de problème. L'énergie, c'est juste voué à développer une colère mentale. L'énergie n'est pas vouée à uniquement à développer une colère mentale. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit plus plastique, plus souple, plus créatif, plus respectueux, plus... plus conscient, pas connaissant, mais conscient de ce qui se passe. Moins naïf, ça améliore notre naïveté. Et d'ailleurs, on est tous moins naïfs depuis, par rapport au début. Avec tout ce qu'on a vécu, on est moins naïf. On connaît des choses, on voit des choses, on sait pouvoir intervenir sur certaines choses. Ça permet de mieux vivre. On vit mieux. On a, par exemple, pour les filles, elles ont moins peur si elles voient une entité au fond, à droite, à gauche, si elles voient quelque chose qu'elles ne comprennent pas, si elles voient quelqu'un qui se met en colère, elles gèrent plus, je veux dire, et elles ont moins de débalancement. Elles sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes. Quand vous prenez une femme qui a fait ce travail-là et que vous en prenez une qui n'a pas fait le travail, même si elle a du caractère, entre guillemets, vous apercevrez que les deux individus ne sont pas du tout pareils. Il y en a une qui va être stable, qui va dire tac, tac, tac, et qui peut se mettre en colère, dans une colère froide, tandis que l'autre va commencer à s'agiter et ne va pas comprendre ce qui se passe. Vous la reconnaîtrez, vous la voyez. Vibratoirement, vous la sentez. Quand vous vous baladez, vous pouvez sentir quelqu'un qui a fait un travail comme ça. Vous le sentez dans votre chakra, là, dans votre truc, dans votre tête, là, clac. Ça se sent. D'autres questions là-dessus? Bah, il y avait deux personnes, il y avait lui. Il y a deux dans une. Allez, deux. Une à long terme, une à court terme. Moi, je pense que lorsque tu deviens conscient, c'est que la colère, tu la gères plus vite, tu sais, il arrive quelque chose. Mais là, comment que ça se fait qu'il y a des femmes que, mettons, qui sont en colère, ça fait 5 ans, avec leur dominant ou leur dominateur, ils disent rien. Le dominant, il vient encore là. Puis on dit que les couples sont faits pour évoluer ensemble. Donc, pourquoi que ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que là, qu'on parle d'une colère, l'autre question qui est en même temps, moi, quand, lorsque je vis quelque chose qui me déplaît, c'est instantané, c'est boum, boum, boum, boum, boum. Donc, je garde rien à l'intérieur pour être mal. Il y a des programmes, il y a des programmes qui doivent être purgés, balancés. Il y a des systèmes qui doivent être éteints. Donc, la présence de quelqu'un avec une autre personne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les couples ne datent pas d'aujourd'hui. Les couples que vous faites maintenant vont dater d'aujourd'hui. Mais ce qui était auparavant, quand vous êtes rencontré avec votre compagnon ou votre copine à, je sais pas moi, 18 ans, c'était complètement dans une programmation, dans un karma, ce sont des micro-programmes qui sont là pour uniquement pour gérer l'âme. Quand vous avez des programmes, ils sont parfois uniquement là pour gérer ce que vous avez fait auparavant, c'est tout. Donc, il faut apprendre à savoir ce que vous allez euh, Il faut apprendre à savoir ce que vous allez en faire et à quel moment ça va se modifier. Vous allez être avec quelqu'un, vous changez, cette personne ne va pas pouvoir vous suivre. Vous allez changer, si elle ne change pas. C'est de la programmation. Mais pourquoi il y a des femmes que ça prend si longtemps que ça prend 3 ans, 4 ans? J'ai vu des couples de pendant 7 ans. Est-ce qu'ils sont conscients? C'est ça. Est-ce qu'ils sont conscients, ces gens-là? Ben, il n'y a pas de conscience, parce que s'il y avait... C'est du programme. C'est du programme, ça ne regarde pas. C'est leur programme, c'est leur... Mais lorsque ça casse après 7 ans, donc ça a pris 7 ans... Ça a pris 7 ans pour un programme, ça peut durer 7 ans. Ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans ou 40 ans, un programme. C'est pas gênant. Est-ce qu'on peut mesurer la conscience de quelqu'un ou l'intelligence de quelqu'un de la manière qu'il va vivre ses colères le plus tôt possible pour pouvoir rester pogné avec ça? Mesurer? Non, apprécier, oui. Par exemple, c'est un peu comme si tu me disais, est-ce qu'on peut connaître la quantité de vocabulaire qu'un individu a quand il te parle anglais? C'est sûr que si tu parles très très bien anglais, pendant un petit moment, tu vas t'apercevoir que lui, il a peut-être davantage de vocabulaire, mais que tu peux toujours arriver à échanger avec son vocabulaire, dans la mesure où lui n'évolue pas. Or, le problème et le gros défaut qu'on a tous, c'est de penser que nous, on évolue, mais que l'autre, celui qu'on avait connu au début, il n'a pas évolué et est toujours resté à ce niveau-là. C'est vraiment réconfortant pour son psychisme, parce qu'on se dit, quand je vais le rencontrer, il sera toujours à ce moment-là au-dessous. Et puis vous apercevez que lui aussi a évolué. C'est l'ego qui part de sa tête, c'est l'orgueil. Mais qui sait qui s'est pas dit, je vais avoir... davantage de conscience que où je vais en arriver à un niveau particulier où je vais pouvoir échanger directement. C'est un peu comme quand on arrivait avec Bernard, avec nos prises de conscience, on lui disait j'ai fait ça, et il te disait c'est intéressant, et puis et avec ça, puis vous disiez oh là là, il y a encore plein de trucs à faire, on n'est pas encore au niveau, quoi. Ce que je veux dire dans cet exemple-là. Ouais. Ça veut dire que dans ces programmes-là, si mettons tu prends une personne qui. Comme si tu, la personne que vous parlez, vous me dites une personne qui devient dominante puis qui domine une autre personne, c'est comme deux programmes. Ils ont leur programme. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment ça se fait qu'une personne qui a toujours été autonome, puis pleine de lumière, puis pleine de vie, qui va arriver une personne comme ça dans sa vie du jour au lendemain, puis qui va, avec le temps, la dominer, la détruire petit à petit, ça devient à un moment donné, c'est comme l'arrêt du cerveau, est-ce que vous suivez là-dedans? Ça veut dire que la personne n'est même plus capable de... Et pourquoi elle rencontre cette personne? C'est ça ma question. Pourquoi? Est-ce que c'est justement parce que... C'est une histoire de karma, c'est une question. C'est une question d'ajustement. Okay. Si elle est assez intelligente, elle ne va pas rester longtemps. Elle va dire, bon, j'arrête ta forme de programmation, qu'est-ce que tu veux, puis terminer. Mais si elle est encore plus intelligente, elle ne va jamais le rencontrer. Okay. Et si elle y rencontrait un autre, et puis... elle aura la sensation de l'avoir connu, ou elle pourra le connaître comme exemple, ouais, ou comme expérience, ouais, et savoir ce que c'est qu'un être dominant, comment le gérer, si c'est dans ses corps à apprendre à gérer un être dominant, un être possessif ou un être malfaisant, ben, c'est peut-être intéressant pour elle, parce que pour savoir ce qu'elle va faire. C'est en fonction de ce qu'elle va faire après. Ouais. Si elle doit gérer beaucoup d'êtres toxiques dans son travail, il faut qu'elle connaisse à quoi elle va être confrontée. Il faut prendre la vie de chacun. Et là, on s'aperçoit que c'est hyper intelligent la façon dont c'est géré. Mais c'est nous qui ne sommes pas assez intelligents pour le gérer rapidement, pour voir ce à quoi ça sert. Donc, il ne faut pas tellement en vouloir au gestionnaire, il faut nous en vouloir à nous de pas voir. Et donc, au fur et à mesure que notre lucidité arrive, tac, ça s'éclaire et ça change. Et vous allez voir que dans votre vie, ça va s'éclairer, ça va changer. L'environnement va changer. Parce que l'environnement ne peut pas rester au même niveau. Parce que soit c'est vous qui changez, soit c'est l'environnement qui change. Mais l'environnement va changer pour amener autre chose que vous ne connaissez pas encore. Et c'est ça les lois de l'évolution. C'est qu'il y a nous, mais il y a l'extérieur. Et l'extérieur va nous amener de l'opposition pour nous amener à une évolution. Donc ça veut bien dire que si on a de l'énergie, on n'est pas obligé de la... On ne nous amène pas à la dépenser uniquement avec des gens intelligents. Parce que si tu es seul, isolé dans ton coin... Parce qu'au départ, on n'était pas parti sur l'idée du couple du tout. On parlait de notre propre énergie. Où est-ce qu'on pouvait la dépenser? Comment on pouvait... Enfin, s'il y avait pas moyen de la perdre, donc on est parti sur le fait qu'il y ait de l'action... Oui, mais on la gère. Quand je parle de couple, ça peut être un ami, un copain avec qui on va faire du sport, un chum au bout du fil. Mais on n'a pas forcément des gens hyper intelligents dans notre environnement. Il faut les trouver. Et vous arriverez à les trouver si vous en souffrez. S'il y a une souffrance, on trouvera des gens intelligents. Adaptés. Pas forcément des gens intelligents. Comment ? Des gens juste adaptés. Pas intelligents dans le sens... Il a pleine conscience de tout ce qu'on peut faire. L'intelligence, c'est. Faut pas croire que c'est un gros. Au départ, on partait sur. Un gros paquet comme ça, mais vous allez trouver des gens qui ont des petits paquets avec certains niveaux d'intelligence et avec lesquels vous allez pouvoir discuter. C'est pas uniquement un genre intelligent. Un individu conscient pleinement. Ce sont des petits paquets d'intelligence qui permettent de pouvoir... Et comment on peut les reconnaître? Est-ce qu'ils nous respectent à ce moment-là par rapport à l'énergie ça, c'est intéressant, ouais. avec laquelle on arrive? Parce qu'ils respectent votre énergie. Ouais. Parce qu'ils respectent l'énergie qui représente... Pourquoi ils respectent votre énergie? Parce que ça résonne avec leur énergie à eux. C'est uniquement ça. C'est un effet de résonance qui fait que l'individu va vous respecter sans même vous connaître. Voilà. Alors que certains ne vous respectent pas, alors que c'est exactement la même chose. Vous pouvez aller chez eux, le poissonnier A comme le poissonnier B. Il y en a un qui va être intelligent parce qu'il a une vibration particulière de vous reconnaître, de reconnaître sa vibration chez la vôtre. Donc, okay. Même s'il n'est pas totalement, s'il ne connaît pas le supramental. D'ailleurs. Soyons clairs. Ouais. Oui, voilà. Même s'il ne connaît pas Bernard de Montréal. Même s'il ne connaît pas Bernard de Montréal. D'ailleurs, regardez le nombre de fois où vous avez fait cette erreur. Je dis erreur entre guillemets, mais où vous avez vu des gens avec une certaine vibration, et puis vous leur avez demandé, mais tu connais Bernard, tu as déjà fait des séminaires. C'est arrivé à tout le monde. De se dire, tiens, c'est pas possible, celui-là il a fait quelque chose, il connaît quelque chose, il est fin, il y a de l'intelligence, donc j'en ferai bien mon chambre. Ouais. Donc faut voir que dans notre planète, il y a des gens qui sont intelligents par partie, parcellairement. Et il faut se servir de plusieurs parties d'intelligence pour pouvoir échanger. C'est ça qui est intéressant. Il y en a des fois qui servent juste de point de chute pour aller rejoindre... De relais. De relais. Oui, un peu comme... Oui, c'est... Oui, mais c'est... Il faut qu'on puisse fournir, à ce moment-là, vous fournissez votre énergie à la mesure de son intelligence et vous allez vous retrouver en équilibre. Parce que vous direz, tiens, ils ne sont pas tous aussi cons les uns que les autres. Donc, vous allez c'est-à-dire avoir... Ça va venir de notre gestion, de ne pas tout déverser là. Vous n'avez pas à tout déverser là. De ne pas rentrer en colère avec le premier venu, qui n'a rien à voir avec notre histoire. Tranquillement, gérer. Sauf s'il ne cherche pas cet individu qui n'a rien à voir avec l'histoire. S'il est blessé sur la route Non, mais je parle de nous, comment au départ, oui, initialement, on gère notre énergie. Parce que c'est une gestion d'énergie, c'est une. C'est savoir comment on va rencontrer son collègue de tous les jours. Quand vous arrivez blindé d'énergie, si vous apercevez que votre collègue n'est pas à même de connaître connaître tout ce que vous savez, il faut simplement échanger avec la partie qui lui est connue, et la partie intelligente, et profiter de l'énergie que vous avez pour pouvoir échanger de la créativité avec sa partie intelligente. C'est à ça que ça sert. On a donné aux êtres humains des parties intelligentes, parcellaires, qui manifestent le contact avec le double. Même s'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, ils ont idée de quelque chose qui leur arrive, de quelque chose qui est intelligent. Et après, petit à petit, quand on leur dit ce que c'est, si vous devez leur dire un jour, ils vous disent « Ah ouais, mais ça je le sais, ça je savais ça. Je l'ai toujours su. » Et c'est arrivé pour tout le monde. On s'est dit « Ça, je l'ai toujours su. Ça, je l'ai... Ce qui me dit, je l'ai déjà vu. » Et heureusement, ça prouve que le double est déjà présent, il avait commencé déjà à travailler, et qu'on n'est pas intelligent du jour au lendemain parce qu'on a rencontré Bernard. Et que maintenant qu'il est plus là et qu'il n'y aura plus de gens intelligents. Non, il y a toujours des gens qui auront une sorte de lumière qui s'étendra et qui permettra d'avoir un bon contact, un bon développement et un beau développement. Et donc, qu'est-ce que c'est qui permet pour l'individu de pouvoir bien gérer cette énergie les personnes que l'on rencontre, c'est notre élasticité c'est notre sensibilité qui permet de bien gérer l'intelligence de l'individu et le fait de ne pas se regarder. Si vous arrivez à vous disant « Ouais, moi je suis une grosse intelligence, lui c'est un petit poissonnier, je ne vais pas lui parler trop longtemps parce que je vais perdre l'énergie », alors vous êtes fait là. Et puis vous êtes fait parce que eux ils ne vont pas vous rater. Les contacts ne vont pas vous rater. Quand vous allez arriver devant lui pour lui expliquer quelque chose, vous aurez les mots qui n'arriveront pas. Vous aurez l'image qui n'arrivera pas. Et puis il vous dira « Ouais, c'est peut-être intéressant ce que vous dites, mais pour l'instant, il faut que je vende mes poissons. » Donc en fait... Ils auront parfaitement raison. Donc en fait, c'est déjà pré-établi. Les relations. Oui. Les relations sont préétablies. Oui, donc, vous ne rencontrerez pas n'importe qui. Voilà. Vous ne pouvez pas rencontrer n'importe qui. Vous ne rencontrez que les gens qui sont avec une partie de votre vibration. Parce que si vous rencontrez n'importe qui, ça serait d'une part... Et puis tous les plans sont d'accord là-dessus. Ça serait trop dangereux. Imaginez que vous arrivez à votre état de conscience, vous allez émanciper n'importe qui. Si, quand vous faites du yadek, vous prenez un mort, tac, vous l'amenez, et puis vous commencez à l'enseigner. Mais le mec, il ne va plus pouvoir revenir. On va le mettre sur le côté. Et si vous l'enseignez à ce moment-là, il va vous dire « Non, moi, ça, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. » Et le plus mauvais conseil que vous pouvez lui donner, c'est de continuer à écouter ce que vous avez à lui dire. Parce que vibratoirement, il ne va plus reconnaître sa famille dans son plan de mort, il ne va plus pouvoir reconnaître les gens avec qui il est changé, il va se retrouver isolé à cause de vous. Mais celui-là, il vous voudra vraiment son isolement. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a un certain statut, on est obligé d'en faire bénéficier ou dans le fond de propager aux autres comme autrefois les chrétiens propageaient la bonne nouvelle. Ça faisait penser, tu sais, aux chrétiens qui veulent propager la bonne nouvelle, là. Tu sais, par la volonté spirituelle de partage, d'amour inconditionnel. Moi, je donne tout, puis... Tu sais, il y a des limites à ça pour les débordements. Puis comme tu le disais, ben quelqu'un qui a une parole en lien avec un contact, ben peut changer, altérer l'énergie, la psyché de l'autre. Donc, ça peut le... Parce que l'autre ne le comprendra pas. Il ne comprendra pas cette quantité d'énergie qu'il doit recevoir et qu'il doit gérer. Il n'aura pas les corps faits pour gérer cette énergie. Et d'ailleurs, quand Bernard rencontrait quelqu'un qui n'était pas fait pour la gestion de cette énergie, il avait soit une attitude de stoïcien, soit il disait... Des fois, je passe vraiment pour un imbécile, non pas volontairement, mais qu'il arrivait plus à dire quelque chose, ou à gérer, ou à compter ses sous, ou à rendre la monnaie normalement. Et puis les gars, ils disaient, c'est un imbécile, celui-là, faut le laisser tomber. Et c'était correct, c'était très bon. C'était vous, dans la mesure où vous savez ce que vous êtes, si vous voyez ce jeu qui se passe pour vous... C'est différent, effectivement, tu as raison, je suis vraiment con. C'est de la reconnaissance, c'est de la gestion d'énergie. Mm-hmm. Et c'est en ça que c'est intéressant, la vie, c'est de la gestion d'énergie. Sur la planète humaine, quand il souffre, ça évolue, c'est ça? La souffrance à la planète... La souffrance permet l'évolution. Mais la souffrance, on ne bouge pas, ça fait mal. Mais il y a un point que la souffrance n'est plus vraiment nécessaire à la fin. La souffrance est moins douloureuse, quand ça commence à me bloquer, je ne peux plus. Là, je vais arriver à votre communication avec les plaintes, la colère. Okay? Bon. Si moi j'arrive à bon, je vais communiquer, tout ça, à un moment donné, la faire de la colère, pour aller chercher quelque chose. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, tout comme la souffrance, à un moment donné, c'est plus vraiment nécessaire, parce que là, ça va venir rentrer nos plans, ça se peut-tu que la colère va chercher une grosse affaire, c'est plus nécessaire, là, regardez, mm-hmm. Si on regarde ces gens, tu parles, ça va arriver là, à un moment donné, là. Au début, on se sert de quelque chose pour appeler quelqu'un, quand on a besoin de ce quelqu'un. S'il nous donne au fur et à mesure ce dont on a besoin, comme je vous disais, je vais voir avec ça s'il me donne les moyens d'accréditation. C'est-à-dire que même si vous voulez avoir de l'information, vous allez pouvoir la chercher, mais s'ils ne veulent pas vous la donner, ils vont vous faire tomber un petit morceau qui correspondra à rien. Et au bout d'un moment, vous allez fatiguer, parce que ce n'est pas pour vous que ça revient. Si au bout d'un moment vous êtes dans un niveau où vous cherchez des choses, où vous regardez des choses, bien ils vont vous, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus sans effort. Ce qu'on cherche, nous, c'est pas à se dépenser la vie pour avoir une petite information. Ce qui est intéressant, c'est de questionner, qu'on vous réponde et que ce soit entre gens civilisés. Qui ne fassent pas leur tête de cochon à essayer de dire non, moi je te dis rien parce que tu ne vas pas comprendre, tu n'as pas le niveau, et, mais qui vous donne l'information, puis vous allez vous apercevoir que ouais, l'information est intéressante, mais ça ne vous donne pas un élan, ça ne vous donne pas une dilatation d'esprit. Quand vous avez une dilatation, c'est que ça s'adapte à votre vie, ça s'adapte à vous. C'est un aménagement de votre énergie, de votre nouvelle couleur, si vous préférez. Donc, vous êtes nouvellement coloré dans les plans, dans les plans des doubles, entre guillemets. Ils voient que votre stabilité n'est pas trop altérée, donc ils descendent davantage d'informations. S'ils veulent vous déstabiliser, ils vont balancer une information à laquelle vous n'êtes pas habitué, à laquelle vous n'avez jamais réfléchi. Et puis là, vous apercevez que pendant 20 ans, vous vous êtes foutu dedans. Et là, ça va un petit peu vous déstabiliser parce que vous allez vous dire « Comment j'ai été aussi crétin? Comment se fait-il que vous ne m'ayez pas dit avant que j'étais dans cet état-là ?» Donc c'est de ça qui... C'est ça qui est important. C'est ce qui est ajusté à vous pour pouvoir travailler là-dedans. Et au fur et à mesure que vous êtes, quand vous direz, c'est bon, vous pouvez m'envoyer n'importe quoi, moi je suis prêt, Et puis là, il va vous envoyer quelque chose, parfois tout petit, puis vous allez vous apercevoir que, ah mais non, je n'étais pas tout à fait prêt là, on va revenir la semaine prochaine peut-être. C'est ce que l'on appelle un peu comme si multicanalisé, quoi. Oui, puis un réajustement. Sans qu'on n'ait rien demandé, mais brutalement, ça arrive. Oui, mais des fois, moins on en demande, et parfois plus ils nous en envoient. Donc il faut s'amener à être bon gestionnaire de sa propre énergie et se méfier. Méfiez-vous des plans. On se fera toujours couillonner tant qu'on n'est pas plus intelligent qu'eux. Oui, ça avait à voir avec la gestion. Donc eux, c'est des gestionnaires. On parle du principe que c'est des gestionnaires d'énergie. Ouais. Donc ils nous gèrent. Ouais. À nous, ils nous donnent de l'information, enfin, un enseignement ou je ne sais quoi. C'est nous qui nous enseignons. C'est nous qui nous enseignons d'eux, malgré tout. Pour l'instant, on va dire. Ils nous envoient de l'information et c'est nous qui nous enseignons. Ok. C'est bien. Ouais, ok. Donc, on s'en sert. On s'en sert. On s'en sert, on gère. Est-ce que, comme on se plante, nous, dans notre gestion, est-ce qu'il est possible qu'ils se plantent, eux, dans notre gestion d'énergie ? Comme c'est nous qui nous gérons, ouais. Eux, ils n'ont pas trop de responsabilité là-dedans. Okay. Ils nous balancent les quantités d'énergie. Ouais. Nous, si on le gère mal, c'est nous qui allons nous en apercevoir. Okay. Après, donc ça fait partie de leur gestion. Ils mesurent la quantité d'énergie qu'ils nous envoient, la quantité d'accord. d'informations qu'ils nous envoient. Ouais. Ça, oui. Après, ce qu'on en fait, oui. C'est notre problème. Ils ont un feedback pour mesurer la façon dont vous êtes dilaté avec la quantité d'énergie. Mmh. Et c'est un peu comme si le fait que vous ayez une certaine quantité d'énergie que vous dilatiez, clac, vous allumez. Vous vous allumez, donc vous avez la possibilité de communiquer. Okay. Donc la gestion a été faite. D'accord. Mais eux n'ont pas géré l'allumage. Oui, oui, oui. C'est vous qui avez géré l'allumage avec l'information et la dilatation que vous avez fait dans votre environnement. L'objectif, c'est quoi alors à ce moment-là ? Puisqu'on peut dire qu'on travaille en symbiose, entre guillemets, on a à gérer chacun de notre côté, faire notre job de l'énergie. Ouais, chacun gère son énergie. Ouais, alors, il faut qu'on devienne des experts aussi puissants et aussi intelligents que vous. Mais l'objectif, c'est quoi ? Pourquoi. Gérer notre énergie. Oui, mais à quelle fin ? À quelle. À la fin de pouvoir absorber n'importe quelle énergie sans être débalancé. Oui, mais pour faire quoi ? Pour vivre. Mieux. Est-ce que ça serait pour la fusion entre eux et nous autres ? Pour vivre mieux. La fusion, c'est une fusion de résonance, c'est une fusion de. Ils seront fusionnés avec vous, vous ne saurez même pas qu'ils sont fusionnés. D'accord ? Ce qu'on appelle une fusion de résonance, c'est un peu comme quand tout à l'heure on rencontre des gens qui ont une partie d'intelligence de nous. On s'en rapproche. Eux n'ont pas de feedback de retenue, donc ils se rapprochent. C'est un peu comme avec le contact qui était là, il se rapprochait, il se rapprochait. Je l'avais à 1m50. Il était là, à côté. Quand je discutais avec quelqu'un, je le sentais là, en train de m'informer, à l'oreille, m'informer. Il se mettait en colère contre l'autre. Donc, je passais de l'information, je disais, oui, effectivement, il faut peut-être que vous fassiez ça. Non, il faut faire ça, ça, ça. Oui, et éventuellement ça. C'est du rapprochement. Et du rapprochement vibratoire comme ça, vous avez les sueurs qui coulent. Oui, le mec, vous vous demandez pourquoi vous. C'est confortable. Mais ça sert jusqu'au moment. Et parce que vous retenez, parce que vous faites de la retenue. Ah, ouais. Parce que vous êtes un être humain. Donc, ouais. L'autre est un être humain, vous n'allez pas pouvoir lui balancer ça. Vous dites, il va partir, il va se filer un coup de fusil. Ouais. Vous adaptez leur énergie. Moi, j'arrive pas à connecter à quoi ça peut me servir. Que je sache gérer mon énergie, soit. Ça, c'est correct. Mais... Quand vous avez une fusion, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la fusion c'est le contact, c'est un peu comme si vous tapez sur l'épaule, aucun intérêt. Quand vous commencerez l'intégration, c'est-à-dire que lui, au lieu de vous taper sur l'épaule, il aura la main qui sera dans le dos, donc il pourra vous masser éventuellement, il sera investi en vous, et ça vous n'allez pas le sentir comme quelque chose de dur, alors que vous l'avez à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus hard, ça sera beaucoup plus flou, beaucoup pulsant, je dirais. Pulsant. Ça prend une transmutation, ça. Ouais, ça prend quand même... Ça prend une transmutation éventuellement, parce qu'il ne peut pas rentrer dans votre vibration sans qu'elle ait été lissée. C'est la même pagaille que ce qu'on vit sans lui, je suis d'accord. Mais une fois qu'il a pris contact, qu'il a rentré sa main, bon, d'abord c'est inconfortable, mais ensuite il y a une habitude à prendre, entre guillemets, un espace à gérer, une présence à gérer. Et après, là, sur Terre, avec nos vies, nos travaux, tu vois, le travail, la gestion des familles, des gens qui s'approchent de nous. Mais tout ça, c'est de l'illusion. C'est-à-dire que la gestion des familles, si vous ne supportez pas la famille, c'est que, quelque part, la vibration est trop basse par rapport à la vôtre. Ouais. Et que vous n'arrivez pas à faire descendre artificiellement votre vibration à leur niveau pour pouvoir essayer de profiter de leur intelligence. Et si vous n'arrivez pas à profiter de leur intelligence, l'intelligence pour vous, ça serait de vous en séparer. Trouvez des gens qui vous permettent d'être votre nouvelle famille. Trouvez des gens avec qui vous allez pouvoir relaxer et non pas avec qui vous êtes obligé de puiser dans des mémoires pour pouvoir faire plaisir dans votre environnement. Ça, c'est du déséquilibre. Et comment voulez-vous qu'un contact qui, lui, ne voit que l'énergie et ne voit qu'une vibration particulière soit intéressé à baisser sa vibration ? Ça sera niet. Et là, vous allez vous retrouver avec un effet de rejet et vous allez essayer de vous rapprocher de vos enfants ou de vos parents, mais vous allez sentir que la vibration n'est plus la même. Et c'est pas adapté. C'est pas adapté et puis vous allez vous en séparer. C'est évident, c'est pas possible autrement. Sinon, vous allez souffrir. Et si vous souffrez, c'est que quelque chose, quelque part, n'est pas intelligent. Donc on a un intérêt. Dans un phénomène de souffrance, c'est que toujours quelque chose, quelque part, n'est pas intelligent. Okay. Sinon, vous ne souffrez pas. Oui. Donc, on a un intérêt à accueillir cette gestion de bon œil. De quoi ? D'un bon œil. D'un bon œil, je ne sais pas, d'un bon œil. Mais. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que l'individu a le choix d'acquérir cette gestion-là? Ouais, parce que dans l'autre conférence, on parlait de programmation, donc est-ce qu'on a le choix? Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de faire baisser votre vibration par émotion, par émotivité, pour accueillir quelque chose, quelqu'un ou un travail, ou peu importe. Honnêtement, vous n'avez pas à le faire. Si vous êtes honnête avec vous-même, et votre vibration est claire, vous savez que vous n'avez pas à aller là. Vous n'avez rien à apprendre là-dedans. Donc, vous avez à vous déplacer, vous avez à rencontrer autre chose. Parce que même si on y va, on va souffrir. Et vous allez souffrir, c'est évident. Parce que la souffrance, c'est une baisse de votre vibration. C'est tout. Donc, si vous voulez baisser votre vibration, vous baissez votre vibration. Après, qu'on vous fasse souffrir indirectement pour monter votre vibration, c'est pas de vos cordes. Mais si vous, volontairement, vous allez baisser votre vibration, vous allez vous faire souffrir. En se faisant souffrir, on va envoyer des personnes collantes. Oui, mais vous allez faire péter l'environnement. C'est-à-dire que vous allez faire péter la famille, péter les trucs. Ce qui se donnera le même résultat, c'est que vous allez en sortir. Alors pourquoi aller torturer, martyriser, terroriser des gens? Il faut les laisser dans leur état de bien-être et puis leur dire « je ne peux pas continuer ». Quand tu vas quelque part, que tu y vas malgré toi, parce que tu as des mémoires ou quelque chose, puis que tu n'es pas satisfaite lorsque tu sors de l'endroit, ben après ça, il y a comme une colère qui s'installe parce que tu dis « je suis encore allée, puis ça n'a pas marché », ou et là, tu t'en vas déverser ailleurs après. C'est ça que tu vas faire. Tu vas aller déverser cette énergie-là insatisfaite. Oui, On remonte son état vibratoire pour éviter d'avoir d'être tout froid ou tout... Oui. Tout incompris, et de faire vibrer son corps émotionnel, et de pleurer, de savoir qu'est-ce qu'ils sont bêtes, qu'est-ce qu'ils sont, ils comprennent, ils ne me comprennent pas, et pourtant il faut que j'aille leur apporter la bonne humeur, l'impression d'être bien, d'avoir. C'est d'une stupidité au bout d'un moment. Et quand vous serez assez intelligente, vous direz « Stop, ça, je suis désolé, ça, je le dis. » Vous coupez. Vous êtes obligé de couper. Que les gens comprennent ou que les gens ne comprennent pas. Vous êtes obligé de couper. C'est ça ou c'est votre survie. On ne peut pas vivre sans arrêt avec une vibration qui fait des hauts et des bas. C'est un peu comme si on faisait sans arrêt du... on s'écarte le grand écart, à partir d'un certain âge, on commence à fatiguer. Oui, le plus que malade. Mais quelqu'un qui est manico-dépressif, c'est ça, tu sais, des hauts et des bas tout le temps, puis à un moment donné. Ouais, c'est... Mais encore, ils le font avec un corps qui est assez souple. Au niveau planétaire, on parle de vibration, mais pour un individu, avec les nouvelles 24h sur 24, tout ça, là, tu sors de là, c'est sûr que la vibration descend. Tandis que quand il y a quelque chose quand tu humain, des nouvelles partout, un contrôle pour justement la vibration descendre dans mon pot. Parce que c'est effectivement, tu écoutes les nouvelles. Tout négatif. Ta vibration n'est pas forte. Là. C'est 24h sur 24, ne regarde pas. Ouais, mais rien que des vibrations négatives qui sont intéressantes pour la majorité des gens. Si on vous dit, machin, il a eu un gâteau, il est désrégontant, vous n'avez pas trop regardé les nouvelles au bout d'un moment. Ça a l'air assez, moi, personnellement. Je pense que c'est vraiment anti-humain. Une vibration, il y a ta main, puis notre gang essaie que ça ne pose pas. Ça, c'est une des façons. Si une affaire grave, ça te ramène un gars qui est tout dans le fond, on te demanderait, tu penses que tout le monde dessus. C'est comme ça. C'est intentionnel, d'après moi. Pour donner suite à son propos, il y a une dramatisation d'informations que les médias ne s'en cachent pas. Si vous pensez au slogan de TVA, créateur d'émotions, pas d'intelligence personnelle. C'est mis en scène, les nouvelles sont mises en scène. Ouais. D'une certaine façon, avec un effet de loupe médiatique pour amplifier quelque chose. Il y a un attentat terroriste par 2-3 personnes, c'est pas des millions, mais on met ça tout le temps, comme c'est gros, c'est la fin du monde. C'est tout ça, c'est ça, exactement. Donc, on a un choix, par exemple. C'est de plus l'écoute pour l'écouter. Exact, le discernement. Ouais. Vous vous posez une question, vous leur posez une question. Est-ce que... à quoi ça sert? Est-ce que moi je suis concerné par ça? Si vous dites non, continuez votre truc. Mais en même temps, c'est dans tout. Tu sais, c'est dans tout, là, tu sais, dans notre vie qu'on fait, là, tu sais. Exemple, il y a quelqu'un qui va m'envoyer une parole désobligeante. Qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, des fois, moi, ça va dire, oh, moi, j'ai été invité à ce moment-là, là, tu sais, je ne le prends pas personnel. Bien, déjà là, en partant, tu arrives, tu manques de te faire frapper parce que tu étais dans l'une, supposons, ça te fait un choc. Qu'est-ce que je fais avec? Je donne-tu une valeur épouvantable? Ben non, je fais oh, pas là, je n'étais pas là, je vais faire attention. Tu sais, ça dépend toujours de la façon qu'on prend les événements de notre vie à tous les jours, parce qu'on est des humains, on vit avec d'autres humains, on est une gang de bébites, des bébites ensemble, ça se fait, tu sais, dans le fond. Fait que c'est, moi, la question là-dedans, ça serait bien plus, si les chocs, moi, je pense que quand on se lève le matin, on a un choc. On prend le char, on arrive au stop, quelqu'un nous klaxonne là-bas, ça fait un choc. Bon, mais ces chocs-là, là, qu'est-ce que ça fait dans notre corps physique? Tous ces chocs-là qu'on a tous les jours, ce n'est pas des gros chocs là, de vibratoires, mais c'est des chocs. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Ça vient du paquet. Moi, je me mange le dedans de la bouche. Les chocs ne sont pas tous les jours. Pardon? Les chocs ne sont pas tous les jours ou toutes les semaines. Ce sont des chocs qui vont par semaine. Pour vous amener d'un point particulier vers un autre. Ces chocs sont là pour entraîner pour vous donner un résultat. Soit c'est pour vous faire monter une certaine vibration, soit c'est pour vous permettre de connecter avec autre chose. Mais il y a toujours une raison. On ne vous enverra pas des chocs, par exemple, tous les jours. Non. On va vous envoyer des chocs de temps en temps. Sinon, ce ne serait pas des chocs, ce serait une permanence de souffrance. Mais les effets de choc, c'est vous pour vous centrer sur quelque chose, pour vous préparer à quelque chose. Vous pouvez être sûr que c'est pour vous préparer à quelque chose. S'il y a quelqu'un qui vous klaxonne, un autre qui vous insulte ailleurs, un autre qui vous rabat la porte dessus, un autre qui, dans la même journée, c'est que quelque part, il y a quelque chose à comprendre. Ouais, et rapidement. Ça. Mais en même temps, je veux dire, dans la vie de tous les jours, ben, je veux dire, tu dis c'est pas tous les jours, mais on en vit. On vit souvent parce qu'on des choses comme ça. On est entouré de gens, je dis pas inconscients, là. Je suis pas mieux au pire que personne. Même moi, peut-être que je peux en faire vivre aux autres sans le savoir. Ce que je veux dire, c'est que tous ces entrechocs-là, ben, je ne sais pas comment on peut dire ça. Parce que tu dis on se rend en perpétuelle souffrance, mais à quelque part, on l'est un peu en perpétuelle souffrance. Il y a toujours comme la publicité, il y a du monde qui crie, il y a du monde qui... quand on vient de plus en plus sensible, on dirait qu'on est plus conscient de tout ce qui se passe, puis il faut absorber ça. L'absorption qu'on fait, ça doit briser notre corps, pour ça, physique. Le fait qu'on soit de plus en plus sensible fait que on a tendance, il faudrait avoir tendance à changer d'endroit. Ouais, à se retirer. C'est comme si vous disiez, au début j'étais sur un ring, je me battais, maintenant chaque fois que je prends un coup de poing, ça me fait mal, ça m'étourdit, ben, je vous dirais arrête la boxe. Donc, va dans un endroit qui soit mieux adapté. Quelque part, c'est que l'environnement cherche à vous repousser, cherche à vous mettre dehors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est votre vibration qui ne va pas, soit c'est, l'état astral un peu trop épuré qui ne va pas. Donc, l'environnement est comment on appelle ça, téléguidé, pour essayer de vous faire comprendre qu'il vous faut sortir de là, qu'il vous faut aller ailleurs. Peut-être se manifester. Ou se manifester, mais souvent la manifestation va décupler le phénomène. Mais ça permettra d'identifier si réellement ça permettra de continuer à faire là ou pas. Ouais. On peut toujours se manifester, et puis là vous allez voir l'exemple... pour voir s'il y a du respect, s'il y a de l'attention. Il faut tester un petit peu l'état dans lequel vous êtes. Mais si en permanence, on vous pousse vers la sortie, c'est qu'il faut y aller. Quoi. Parce que même si vous vous mettez en lutte, vous allez être le grand guerrier, mais le grand guerrier épuisé en fin de journée. Quoi. Et ça ne servira à rien parce qu'il va falloir recommencer. Ce ne sera jamais le même. C'est un peu comme à votre travail. Si vous tannez quelqu'un, s'il est un petit peu abruti, il va toujours vous recommencer les mêmes erreurs. Il faut savoir si c'est l'endroit qui ne vous va pas, si c'est le milieu ou si c'est votre propre comportement. C'est à analyser, chacun doit analyser son milieu. Quand tu dis tantôt, si c'est ton environnement, si tu dois bouger ton environnement, tu pars-tu même d'aller à un déménagement ou sinon c'est de rester chez toi, de te recentrer, puis de reprendre tes énergies ou de reprendre ta vibration? Tu sais, tu disais même tantôt ta vibration, peut-être c'est même pas la bonne vibration, tout ça. Fait que ça veut dire que tu as peut-être besoin d'un moment là, pour te retirer. Puis... Si tu as besoin d'un moment pour t'assagir, pour être bien et tout, et que tu es bien dans l'endroit où tu es, ça pose pas de problème. Mais si l'endroit où tu as normalement les capacités d'assagir ta vibration, c'est toujours pas bien, il va falloir changer. Puis changer, ça peut être des gros changements. Ça peut être un changement, c'est un changement. Il n'y a pas de gros changements. Il y a des changements qui sont nécessaires pour avoir son équilibre, pour retrouver son équilibre, pour retrouver son bien-être, pour retrouver sa joie de vivre, entre guillemets. Hein. Le fait de, quand on se lève, d'avoir envie de faire quelque chose. Quand on se lève, d'avoir, de retrouver une nécessité de gérer sa vie ou de faire sa vie, de sa vie quelque chose. Ou de tester sa vie, ou de tester son truc, et non pas de supporter toujours les mêmes problèmes. Donc, on s'aperçoit que même si on perd la polarité vis-à-vis de notre programme, c'est-à-dire qu'on devient neutre vis-à-vis de nos événements, on a quand même le programme qui va rester à côté. Mais c'est bon ça, non, qui reste à côté, le programme? Parce le programme, si normalement, il a été établi par vous pour guérir votre âme. C'est vous qui nous l'avez amené, votre programme. Ouais. C'est vous qui l'avez, ce programme-là. C'est pas nous qui vous l'avons donné. Donc si après vous dites, moi j'en veux pas, je suis plus intéressé, attendez, c'est que si tout le monde fait ça, c'est le bordel. Donc il faut que vous utilisiez votre programme et que vous vous débrouillez avec. Si vous n'êtes pas capable, après avoir décidé quelque chose, de continuer à l'appliquer, c'est qu'il y a un gros problème pour... dans votre vie de gestion. Mais si j'enlève la polarité. Mais la polarité, c'est simplement la façon dont vous allez gérer les événements qui vous arrivent. Ouais, donc après, si vous devez faire ceci ou cela, vous faites l'action que vous devez faire, mais vous êtes pas obligé de mettre une polarité, de mettre une singularité dedans, ou de mettre... un événement accessoire autour, vous vivez votre programme et puis c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que si la personne ne réfléchit pas le programme intellectuellement, ça ne l'émotive pas, à ce moment-là, ça va être... Voilà, ça ne l'émotive pas. Ça l'a, mais vous êtes obligé de vivre votre programme. Bernard a vécu son programme. Il a vécu avec des gens, il a fait des choses. Il a été obligé de le faire, de vivre son programme. Il y avait des choses à vivre. Et vous, ce sera pareil. Vous n'échapperez pas à votre programme, quel que soit votre état de conscience. Mais est-ce qu'elle peut changer son rapport psychologique au programme, changer de programme? C'est nécessaire de changer le rapport psychologique au programme parce que vous allez vivre toujours des événements qui font une remise en cause, comme quelqu'un qui vous... crache dessus ou qui vous invite, qui vous insulte ou qui vous klaxonne. Après, quand vous serez assez sensible, il y aura quelque chose qui va vous protéger juste avant que ça klaxonne. Donc, vous n'allez pas sauter. Il dit, tiens, moi j'ai entendu que ça klaxonne. Vous ne vous sentirez pas coupable, vous ne serez pas quelqu'un qui va vous bousculer. Ça tombera bien parce que, justement, vous aviez tombé quelque chose. Mais vous voyez ce que je veux dire? Après, ça devient de la gestion de mouvements d'autrui, quoi. Il faut pouvoir l'analyser, il faut regarder comment ça se déplace, comment ça se fait, comment c'est vraiment très plaisant. On s'aperçoit que quelle que soit la façon dont vous allez prendre cette énergie mentale de votre double ou de l'individu qui va travailler sur vous, cette énergie, au bout du compte, je dis bien, au bout du compte, elle est intelligente. Le seul défaut que l'on a, c'est qu'on ne voit pas à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans notre vie. C'est le seul défaut. Et eux ont la possibilité de le voir même au-delà. On a un gros déséquilibre, c'est pour ça.